servirai mon Seigneur. Je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. On va prier, bien-aimé. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette semaine. Merci pour notre famille. Merci, Père de gloire, pour nos vies. Merci pour ce que tu as disposé devant de nous. Merci pour ce que tu travailles dans l'esprit pour nous, quand bien nous ne sommes même pas au courant. Merci pour toutes choses qui nous arrivent, qui contribuent à notre édification et à notre école dans ta marche. Merci pour ce que tu as programmé dans nos vies, Seigneur. Merci pour ces soirées. Merci pour tous ceux qui sont encore en route. Merci pour tout cela, ô Dieu de gloire, dans le monde entier, qui écoute ta parole et qui désire ardemment de la mettre en pratique. Nous prions, Père, que tu donnes à tout cela, Dieu de gloire, de te saisir d'une main ineffable et de façon inébranlable pour aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains maintenant, afin que toi, seul, tu diriges nos cœurs vers toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens nous asseoir. On va travailler là. Comme ça, on travaille tôt, on finit tôt. Donc, recevez la salutation. J'ai tenté de causer avec le frère. C'est pour ça que je suis venu avec 17 minutes de retard. J'ai tenté de causer avec un frère. Là, il vient de la Norvège. Le frère Priso. Il m'a demandé de vous saluer. Il aurait souhaité participer avec nous. Mais il a allé sur Yaoundé. Donc, il a dit qu'il vous salue chaleureusement au nom de Jésus. Comment vous allez? Bien. C'est ma verrou qui brille plus que toutes les femmes ici. Donc, je suis venu parce qu'il y a une question ici. Et c'est cette question-ci qu'on va travailler, c'est qu'on va développer ici maintenant. Parce que c'est de ça dont il est question. C'est pas qui l'a mise. On va travailler sur cette question. J'espère que ça va faire de nous donner une seule partie. C'est à cause de cela que je suis venu. Quels sommes-nous vraiment? Quels sommes-nous alors, l'homme de Dieu? Avant de commencer, avez-vous des questions? S'il y a des questions, vous posez mon travail. Puis, avant d'avancer ici, parce que quand on va commencer ici, là. Une question. Oui, frère. Pourquoi être là? Bonne question. Oh, ça, c'est inclus ici, on va trouver ceci dedans. C'est quoi être dans la présence de Dieu? Donc, on commence. On commence pas. Oui. Les plaies après le dénombrement. Donc, je vais vous montrer un style de ces variations dans la Bible, d'accord? Ouvrez le livre de Matthieu avant qu'on arrive là. Matthieu chapitre 10. Ouvrez Matthieu chapitre 10, vous y êtes. Lisez le verset 29. Avant qu'on a deux patients, cependant, il n'entend pas un acquis sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous cachés. Oui. Maintenant. Et... Non, ça va. Verset 29, non. Il dit Matthieu chapitre 10, verset 29 particulièrement. Et verset 29 à 31, oui. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passants. Maintenant, trouvez la correspondance maintenant dans le livre de Luc. Nous avons lu dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas? Lisez maintenant dans le livre de Luc. Comment? Luc chapitre 1. Conducteur. Comment Yannick a les stratégies. Il regarde. Oui, Yannick regarde les. Vous appelez comment vous appelez ça? C'est quoi un code là? Les correspondances. Il dit que c'est sûr que les gars nous ont aidés. Courage, quoi Yannick? C'est pas facile à faire la Bible. Tu sais, quand tu sois avec les activités là, c'est pas toujours facile. Non, c'est ça. Vas-y, continue toujours comme ça. Lisez le verset 6 là, rapidement. Lisez le verset 6. Bon, on va lire, d'accord? Donc, c'est à cause de la question qu'il a posée. Il va vous montrer une de ces correspondances là maintenant. Donc, je lis Matthieu chapitre. Mettez le doigt dans Matthieu chapitre 10. On lit là. Puis maintenant, Luc chapitre 12. Regardez. Matthieu chapitre 10, verset 29. Regardez. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre sans la volonté de votre Père. Vous avez vu? On dit qu'on vend combien de passereaux? Deux passereaux pour un. Maintenant, regardez Luc chapitre 12. Il dit ici, il dit. Ok. Il dit, verset 6, ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Je recommence encore, regardez. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Combien de passereaux pour 1 sou? Regardez. Matthieu dit combien de passereaux pour 1 sou? Hein? Qu'est-ce que ça ne va pas se passer? Combien de passereaux pour 1 sou? Un passereau pour Dieu. Deux passereaux pour un soir. Il faut que ces garçons-là aient 3 jours pour qu'ils soient stables, pas vrai? Ne vendons pas deux passereaux pour. Un soir. Ça, c'est quoi? Matthieu. Luc. Ne vendons pas. Cinq pour deux soirs. Et Matthieu, Luc dit. Et cependant, il n'est oublié un seul devant le Père, pas vrai? Alors, maintenant, quand vous lisez ici, il faut que vous mangez. Quelque chose se trouve là-dedans. Il faut faire le croisement pour savoir de quoi il est question, n'est-ce pas, Frère Jimmy? C'est quoi qui se cache dedans? Il n'est même pas d'abord là-bas, il est dans Luc chapitre 23. Tu cherchais, non? Bon, avant que tu ne viennes, on est en train de lire Matthieu chapitre 10, verset 29, où on parle de ne vendons pas deux passereaux pour un sou. On est en train de lire aussi Luc chapitre 12, verset 6, pour regarder ce qu'il y en a. Parce que, par rapport à la question que j'avais posée la dernière fois sur. Le prophète Gad qui a prophétisé sur le David, comme ça varie dans 1 Chronique de Dieu Samuel et dans le livre de Roi. C'est ça que ça nous dit, c'est style croisement. Dès qu'on finisse là, je vous pose aussi la question maintenant, vous me donnez la réponse sur Marie, sur l'origine de Jésus, judaïque de Jésus. Hey, mon frère, voilà. Tu as fait la recherche, non? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Frère Donald, Donatien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est pas c'est Luc chapitre 12, verset 6. C'est merveilleux la Bible seulement. C'est pour cela que si vous lisez Matthieu, vous dites, ah la parabole, c'est dans lui, ça là-bas. Faites attention. Faites attention. Quand vous lisez ici, lisez aussi là-bas. Lisez aussi là-bas. Comme par exemple, on parle de la trahison de Judas et au-delà, n'est-ce pas? Vous allez voir, on va dire, Satan entra dans Judas. Vous voyez? On dit, les trois des évangélistes, il y a trois qui ne parlent même pas de lavage des pieds. Seuls Jean parle. Alors, je pose la question. Est-ce que les autres n'avaient pas vu la séance là? Oui. Quand ça s'est passé, est-ce que les autres n'ont pas vu? Matthieu, Marc et Luc n'ont-ils pas vu cette séance? Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire si tu prends Matthieu, Marc, Luc, tu lis les trucs de la passion de Christ là-bas, de la soirée jusqu'à Gethsemane. Tu lis seulement là-bas, dire, ah, dans Jean, oh, je connais déjà, on a déjà lu cela derrière. Tu vas voir que l'élément que tu vas laisser justement, c'est ce que c'est que ceux-là ont laissé. C'est le tableau complet. C'est le tableau complet. Bon, on a dit deux passereaux coûtent combien? Un sou. De l'autre côté, il y a combien de passereaux? Cinq. Si on prend deux pour un sou, deux pour un sou, il y a un qui est gratuit. Donc Dieu veut dire que si vous achetez beaucoup là-bas, il y a une récompense. Il y a un qui est donné cadeau. C'est ce qu'il a dit de dire, le Saint-Esprit a dit de dire. Ça n'a pas varié avec ce qu'on a dit là de l'autre côté. C'est deux passereaux pour un sou, c'est la même chose qui est dit là-bas. Deux passereaux coûtent un sou. Plus tu achètes, plus on te donne le cadeau. Eh hey, frère, que Dieu vous bénisse. C'est le secret de notre paix. C'est dans la Bible ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Deux passereaux pour un sou. Comment se fait-il que Luc dit? Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous? Cinq passereaux pour deux sous. Ça veut dire que sur ces rapports-là, deux ont coûté un sou, deux ont coûté un sou. Donc il y a un qui est gratuit. Hein, mon cher frère, va aussi chez ta correspondance. Donc maintenant, d'où vient la tribu de Jésus? Comment je sais-tu qu'on appelle Jésus? Donc on va commencer, avant que cela, je pose la question. Pourquoi on appelle, on dit Jésus-Christ est issu de la tribu de Judas? L'autre c'est là jusqu'à deux Bibles. Il y a la Bible, la seconde Bible d'Abi. Oui, bon, y a-t-il des réponses? S'il n'y a pas, on continue. Parce que ce qu'on va faire risque d'être long, parce qu'il faut que ça soit profond. Préparez-vous donc, le mois d'août, on va continuer avec le jeûne. Tout le mois d'août, on sera dans le jeûne. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, il va vous donner les passages que nous allons travailler. Tout le mois d'août, on sera dans le jeûne. Tout le mois d'août, on sera dans le jeûne. C'est notre nourriture, non? Tout le mois d'août, on sera dans le jeûne. Donc, la prochaine fois, il va vous donner le sur quoi, c'est comment se canaliser. Parce que beaucoup de choses sont enjeux nettoyées. Si on baisse la garde, vous allez retourner en arrière encore. Achève, vous rattrape rapidement. Donc, s'il n'y a pas de questions, si vous ne voulez pas répondre. Oui, frère Jimmy. Je vais essayer, frère. Comment tu veux essayer? Tu veux répondre ou tu veux répondre? Oui, je vais prendre la paix chez ma compréhension. Oui. Ok, pourquoi Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur Jésus est. D'abord, la Bible dit clairement qu'il est issu de Judas, non? Évidemment. Oui. Et nous avons vu ici dans le livre de Luc, chapitre 1, la dernière fois, que Marie, sa mère, avait pour parente Élisabeth qui est issue d'Aaron. Et le mari d'Élisabeth est aussi issu d'Aaron. Donc, ça veut dire la tribu de Lévi. D'où vient. Et Jésus n'a pas de père physique qui est issu de Judas. D'où vient-il qu'on l'appelle quelqu'un qui est issu de Judas? Juste parce qu'on commence à le comparer à David. C'est ça la question. Oui. Tentative de réponse, Frère Jimmy. Oui, tentative de réponse. Ok. Je vais commencer là, de Matthieu chapitre, comment est-ce que j'ai du Seigneur Jésus? Oui. Avant de pouvoir essayer de comprendre certains passages du Christ. Matthieu chapitre 1, verset 18, il est écrit. Voici de quelle manière arriva la naissance du Seigneur Jésus. Marie, sa mère, a été fiancée à Joseph, qui trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils puissent habiter ensemble. Oui. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Oui. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en son et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a reçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfanta un fils et tu lui donnas le nom de Jésus. C'est lui qui se rend. Lise là-bas, les gens écoutent là-bas, frère. Oui. C'est lui qui. Bon, je crois que là-bas, c'est. Je crois que j'ai plus. Ici. Cette Bible dit ici que Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est de la tribu de Judas. Non. Là, on dit ici. C'est qui me marie, c'est que la parole fait quoi? Marie, ta femme. Oui. Maintenant que j'arrive dans les journaux, je sais ce que je suis. On dit ici, Abraham engendra Isaac. Oui, quand on arrive au niveau de Joseph, on dit que Jacob engendra Joseph, qui est le de lequel est né Marie. Oui. Ok. Maintenant donc, lorsque. Parce que j'ai essayé de les amis depuis le commencement. Depuis le commencement, lorsque Jacob prophétisait par rapport à ses 10 fils. Oui. Et que des Gédales naissaient en rejetant ainsi de suite, ainsi de suite. Qui s'est fait, ce qui fait, c'est jusqu'à Nazareth. Oui. Ok. Donc. J'ai essayé de canaliser, réfléchir, bah, je ne vois vraiment aucune manière, aucune façon Marie qui était la tribu de Lévique, de Aaron. Maintenant, il dit, et dedans, je ne veux juste qu'on met Joseph. Maintenant, selon mon analyse, je vois que uniquement Joseph, le Saint-Esprit l'a mis comme époux de Marie, et non seulement, même pas, non pas par. Un père charnellement. Charnellement. Oui. Donc ça veut dire qu'à cause de cela, parce qu'il était l'époux de Marie, le Saint-Esprit le mit comme père de Jésus. Ok. Donc ça veut dire que c'est Joseph, donc dans ce cas, qui a engendré Jésus. Parce que l'enfant porte la paternité du père. Évidemment. Selon moi. Mais lui, son père, c'est Dieu. Donc Dieu est de la tribu de Judas. Non. Là, le fait que Dieu est. C'est pas sa paternité. C'est l'homme qui engendre, non, celui qui porte. C'est pas ça. Donc il nous dit que le fait que Dieu a dit que Marie a pour époux Joseph, et que Joseph est de Judas. Donc conclusion, Jésus est de Judas. Mais pourtant, Marie, Joseph, on lui a donné le vecteur de ne même pas toucher. Ok. On appelle beaucoup fils de chimpanzé. Tu es un fils d'un homme, pas fils d'une femme. Ah oui, fils de chimpanzé. On appelle donc, fils. On le reconnaît en tant que fils de Joseph. Marie, attends, il te pose la question, hein, Frédéric. Oui. Tu penses que la rencontre entre Jésus, Marie et Joseph, enfin Marie et le Saint-Esprit, c'est que tu as de l'île là. Les gens qui étaient à Bethléem, tout le monde savait ce qui s'est passé. Hein? Non. Et quand on va voir Joseph dans une maison avec Marie, puis là, le ventre qui sort comme ça là, on va dire que l'enfant de qui, c'est pour qui? Joseph. Alors donc, comment tu dis, si on appelle, c'est normal qu'on appelle fille de charpentier. Bon, en fait, c'est un critère que le Seigneur ne tient pas compte de ses relations amicales. Donc le Seigneur tient compte que celui. Oui, frère. Courage, frère Jimmy, courage. C'est vrai que nous n'avons même pas le passage que j'avais. Moi, il n'y a que deux passages. Oui. Dans Romains chapitre 1, là. Oui. On dit ici que. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par des prophètes dans les scènes d'écriture. Oui. Il concerne son fils qui naît de la descendance de David selon la chair. Oui, voilà. Né de la descendance de David selon. Voilà. Et David est le fils d'Isaïe. Oui, et qui sont de la tribu de Judas. Qui est de la tribu de Judas. Oui. Non, mais ça, c'est dans la prophétie. Physiquement, donc, quand ça s'est venu se réaliser, montre-nous où ça s'est réalisé. Hein, évangéliste. Évangéliste Olivier, quand tu as fini, tu passes directement la parole aussi. Non, toutes les promesses de la Bible montrent clairement que c'est Judas. Mais on veut voir comment c'est venu à Judas. Vous êtes d'accord avec moi, les femmes là? Vous êtes d'accord avec moi, non? Il faut que les frères là se montrent valables. Même l'ancien, papa Tani. Oui, allons d'abord, papa. Il faut qu'on allume dehors, oui. Je veux dire que suite à ce qu'ils ont dit là, physiquement, oui. D'une manière adoptive, oui. Selon les hommes, oui. Jésus est le fils de Joseph. Oui. Bon, c'est son les, fils. Bon, mais maintenant, spirituellement, oui. Spirituellement, selon Dieu, oui. Il est de la vertu du Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Oui. Bon, je dis, n'est-ce pas, oui. Comment expliquer la paternité de Judas? Tout simplement parce que Joseph l'a adopté. La paternité de Judas ou bien de Jésus? Il dit Jésus par rapport à Judas, sa paternité de Judas. Oui, oui, tout simplement parce que. Prenons un autre exemple, si tu es raté. Oui. Papa, supposons que papa t'allais prendre un enfant qui est bien frais. Non, pas qu'il a pris un enfant qui est bien frais. Oui. Supposons qu'il a pris, parce qu'il y a des hommes qui prennent des femmes qui sont. C'est-à-dire, elles viennent au mariage étant déjà enceintes. Oui. Hein? Oui. Quand l'enfant naît. Et que tu es d'un bien frais. Hein? Oui, oui, c'est que l'enfant qui est dans le ventre. Oui. Bon, papa t'a déjà marié. On ne peut pas quand même dire des choses comme ça là quand même. Prenons toi-même seulement. Supposons que tu parles maintenant, la soeur que tu vas épouser a l'enfant dans le ventre, parce que c'est la circonstance. Et que la soeur a dit que c'est un biafré qui est à Nasarawa, qui est, c'est son enfant là-bas. Tu adoptes l'enfant. Ça fait que l'enfant soit bassa. Oui, j'adopte l'enfant parce oui. Que là, déjà, l'enfant va épouser C'est-à-dire, va épouser ma culture. Non, laisse la culture, non. Oui. Il va être, même qu'il parle en chinois et qu'il est grand en chinois, il va parler le chinois. Mais je suis en train de dire, est-ce qu'il est de ta tribu? Pas le sang, il n'est pas de ma tribu. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il fallait que ça soit du sang. Pas le sang, il n'est parce que la dernière fois, nous avons lu dans Isaïe chapitre 11, verset 1, que c'est du tronc d'Isaïe que le rameau va sortir, non? Et c'est du son rejeton qui va sortir. C'est pas ça, hein? N'est-ce pas, c'est Isaïe? C'est ça qu'on a lu la dernière fois. Dans Genèse 49, nous avons vu, il a dit clairement que le sceptre ne quittera pas Joseph jusqu'à ce que le Shiloh vienne dans Juda, non? C'est pas ça. Hein? Il va venir de Juda. Expliquez-moi donc, c'est le moment. Bon, mais hormis de ça. Parce que moi, je ne vois aucune autre alternative. Non, hormis de ça. Oui. Je ne vois aucune autre alternative. À part que Joseph et Marie soient de la même tribu. Mmh. Oui, à part ça. Il faut résoudre le problème. À part que Joseph et Marie soient de la même tribu, oui. C'est là où ça peut donner quelque chose. Oui. Que Jésus a un lien sanguin avec la tribu de Juda. Oui. Mais hormis de ça, oui. Moi je ne vois aucun. Si tu m'expliques là maintenant, tu me dis. C'est bon, moi. C'est un problème de l'écriture qu'on veut résoudre. C'est un problème de l'écriture. Hébreux chapitre 7. Hébreux le chapitre 7. Mmh. Il dit que le frère Bob a dit qu'il était dans Hébreux chapitre 7 où on dit que Melchizedek n'a pas de père, n'a pas de mère. Mais s'il n'a pas de mère maintenant, tu as le problème maintenant parce que Marie, on dit que la Marie, bon, sa mère. Tu fais comment là maintenant? Bon, vous êtes dans Hébreux chapitre 7. Parce que ce n'est pas sur la ça. Il n'y a pas de pont au village qui a provoqué l'enfant. Vous êtes dans Hébreux chapitre 7. Papa, t'as une ligne le verset 14, seulement le verset 14. Qu'est-ce que ça dit? Hébreux 7, 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. C'est ce qui est écrit. C'est l'apôtre Paul qui dit comme ça. Il dit car il est notoire. Donc il est évident. Ce qui était évident pour lui, voici ça qui nous crée le problème ici. Donc chez les Juifs, ça ne se discute pas. Il dit car il est notoire que notre Seigneur Jésus-Christ est issu, est sorti de la tribu de Juda. Donc son issu, il est sorti de la tribu de Juda. Après il dit tribu, donc Moïse n'a pas parlé quoi que ce soit concernant le sacerdoce. Parce qu'il est temps de vouloir comparer le sacerdoce lévitique au sacerdoce de Melchizedek pour montrer qu'il n'avait pas de prophétie, il ne s'occupait pas de cette prophétie-là parce que c'était charnel. Alors la question c'est, comment Jésus-Christ vient-il de la tribu de Juda? Donc que Dieu vous bénisse. Donc comme on n'a pas encore, continuez à manger. Oui. Le nombre, la position. Comment? Tu dis quoi, frère? Frère Brice, lève-toi, tu dis à haute voix pour que les femmes entendent. Parce qu'il faut que tout à l'heure tu baisses la tête. Oui. Dis-le. David est 7e. Il est 7e. Oh. Ok. Qui est d'accord avec lui? Tous ceux qui sont d'accord, lève la main. C'est écrit dans la Bible. Oui, non, c'est écrit dans la Bible. Même si je c'est pas que je suis d'accord avec la Bible là tout à l'heure. Nous tous avons vu que Jésus. Moi j'ai trouvé qu'il était 8e. Ah, ça commence à créer des problèmes. Lève-toi aussi, frère. 8e. Regarde-lui là-bas. Regarde-lui là-bas. Dis-lui, tu as trouvé ça où? Attends, non, il dit tu as trouvé où? 2 Samuel. Dans la Bible, non? Oui. Toi, tu as trouvé ta part où? Non, dans la Bible, c'est vu le livre, c'est le Coran. Non, tu as dit que tu as trouvé où? Dans la Bible, tu as trouvé où? J'ai trouvé dans la Bible, mais c'est que moi j'ai vu les deux versets, là, ces deux livres-là. Oui. Je me suis posé la question de savoir pourquoi là-bas il est 8e et là-bas il est 7e. Restez debout, c'est moi qui pose la question, non? Voilà. Mm-hmm. Là, donc, tu as dit que dans la Bible il est quantième. Hein, frère? Tu peux encore la voir maintenant, là. Toi, tu as dit que dans la Bible il est quantième. Il est 8e. Bon, c'est comment ça fait? Asseyez-vous deux. Vous allez vous asseoir à deux, vous entendez, et que vous nous amenez un consensus. Voilà, donc vous deux là. Parce que comment quelqu'un peut dire 7, l'autre dit 8? Comment un seul homme peut naître en même temps il est 7e, en même temps il est 8e? Il y a un problème. Vous allez me donner la réponse ici. Donc quand vous avez fini avec ça là, je vais vous donner encore 3 ou 4 questions bibliques. Comme ça vous allez savoir de quoi il est question. Vous allez voir maintenant la différence entre lire la Bible et méditer. D'accord? Vous devez lire. Il peut vous en donner comme ça là. Donner comme ça. Ok, on va commencer maintenant. Souvenez-vous, tout le mois d'août, on est à jeûne. Oui, mon cher. Tu veux poser la question ou tu veux répondre? Depuis toutes les questions qu'on a posées, tu as répondu quoi? Non, ne pose pas les questions. Non, c'est lié à. Non, si c'est la réponse, donc contribue sur ma réponse, ne pose pas la question. Non. Attends, non. Tu les vois à deux, quand ils vont s'asseoir à deux, entre au milieu. Peut-être la les questions que tu vas poser va éclaircir la chose. C'est pas ça. Hein? Voilà, on va prier. On va allumer ici, tu vois. Ça, c'est ça qui m'amène ici. On va travailler là-dessus. Je veux que vous soyez attentifs le plus. Soyons le plus attentifs possible lorsqu'on va entrer dans ces questions-ci. Donc, la personne a écrit Matthieu chapitre 5. Les versets 5 et le verset 8. C'est ça qui va faire la base de pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je vous avais dit justement que quand il y a férié, dites-nous qu'il y a férié, qu'on prend le matin, on travaille. Ces choses-ci, ça ne peut pas nous arrêter. Ces deux versets-ci, on ne peut pas, finir avec ça aujourd'hui. On ne peut pas. On ne peut pas finir avec ça aujourd'hui. Donc si c'est comme c'est férié, si on commençait plus le matin, on aurait bien. S'il y a des fériés une semaine avant, quand vous êtes dans l'assemblée, dites qu'il y a férié tel jour, comme ça tout le monde soit au courant, on se rassemble. Donc la personne a d'abord écrit, je crois que c'est les deux questions, enfin, c'est une question à deux volets. Matthieu chapitre 5, verset 5 et verset 8. Petite A, là c'est la question de la personne. Comment peut-on être doux comme Dieu le veut? Comment peut-on être doux comme Dieu le veut? Petit B. Comme tu dors comme ça là. Quand on va commencer à partager la bouillie ici, sans qu'on te réveille, tu seras debout. Petit B. Comment je peux garder mon cœur toujours pur? Constamment pur. J'aime ce style de question. Vous savez, les styles de questions où ça pousse les gens à quitter la saleté pour la lumière, c'est ce style de questions que j'aime travailler dans la Bible. Parce que normalement, quelqu'un qui aime le Seigneur souhaitera faire tout et tout pour plaire au Seigneur. Par conséquent, ça va là où il faut faire pour ne pas tomber. Parce que c'est pour ça que ce style de questions-ci, j'aime. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Donc, comment je peux garder mon cœur toujours pur, constamment pur? Voilà la question. Et vous savez effectivement que c'est contenu dans le livre de Matthieu chapitre 5 où le Seigneur dit que c'est que heureux ceux qui ont le cœur car ils verront Dieu. Donc nous allons travailler sur ça maintenant. Que le Seigneur nous guide directement maintenant et qu'on en travaille. J'espère que la personne qui a la question là, de toute façon, c'est même pas pour, c'est pour ça que je suis venu. Ok. Quand on va commencer à travailler, à un moment donné, il va vous donner des versets concernant cela. Pour qu'on travaille, il faut qu'on travaille véritablement. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va aller dans une deuxième partie. Comment dois-je... La première question, c'est une question qui est aussi automatiquement liée à cela. Comment est-ce que je peux faire pour être doux comme Dieu le veut? Comment est-ce que je peux être doux comme Dieu le veut? Comment je peux garder mon cœur pur, constamment pur? Répondons rapidement à la première, puis allez, travaillons dans la deuxième, d'accord? Hein, frère? Vous êtes d'accord? La Bible dit que votre douceur soit reconnue de tous. Le Seigneur est proche. N'est-ce pas? C'est pas ça? Hein? La Bible dit que votre douceur soit reconnue de tous. Le Seigneur est proche. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il a de dire? La Bible a de dire qu'on travaille sur son caractère. Au fur et à mesure que on sait que le Seigneur est en train de s'approcher, il faut qu'on travaille sur son caractère. Suivez attentivement. Je viens de citer un verset, d'accord? Ce verset se trouve où dans la Bible? Il me sent vraiment bien là maintenant. Il dit c'est la parole là maintenant. Le verset qui vient, il dit non. Heureux l'homme qui a le tous ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Je viens de dire que votre douceur soit reconnue de tous. Le Seigneur est proche. Où est-ce que ça se trouve dans la Bible? C'est quelque chose que ça se trouve dans la Bible, non? Je veux que vous me trouviez ce verset, frère. Ça c'est Brian, il vient d'arriver comme ça là. Que votre douceur soit reconnue de tous. Il attend seulement que vous trouvez, vous y mettez vos yeux. Vous savez, les femmes sont tranquilles. Chacun avait son cahier, son but. Elles attendent seulement que vous trouvez les versets. Nous notons les conclusions. Que c'est aux hommes qu'on a demandé de connaître les écritures pour nous expliquer à la maison. Quand c'est fort sur l'homme, il vient et dit qu'il veut l'éclaircissement ici à la salle. Verset 5. Attends, toi, tu penses que tu veux trouver ça dans Matthieu? Non, non. C'est pas la Matthieu devant toi? C'est pas que j'étais à Matthieu. Ah. Philippiens 4, verset 5. Philippiens 4, verset 5. Lis. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Voilà. La personne s'y pose la question. Comment je peux faire pour être doux comme le Seigneur le veut? Et ici, la Bible nous dit, et vous êtes d'accord avec moi que ici, c'est un commandement. Que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ça sera amusant maintenant, vous allez voir la différence entre ce qu'il y a, entre la pensée humaine et la pensée de Dieu. Je vais prendre personnages, 2, 3 ou 4 personnages de la Bible, d'accord? Ok. Suivez attentivement. Quelle est la réaction de l'apôtre Pierre à Gethsemane lorsque quelqu'un vient pour se saisir de Jésus? Pourquoi? Il veut défendre le Seigneur. Il veut défendre Dieu. Un peu comme on peut porter la bombe aujourd'hui pour aller bombarder les gens en disant qu'on a de défendre la cause de Dieu. Quelle est la réaction de Moïse lorsqu'il voit qu'on menace une partie, quelqu'un de sa tribu? Il fait comment? Quelle est la réaction de Néhémie lorsqu'il vient bâtir le mur et qu'il y a quelqu'un là-bas, on l'appelle Shambhala, qui dérange? Néhémie. Il a tapé jusqu'à attraper comme ça là, la barbe, arracher sa barbe, les maudits même. Et puis s'est tourné que Seigneur, souviens-toi de mes bienfaits. Vous avez entendu ça? Vous pensez que c'est quoi? Quelle est la réaction de Finé lorsqu'il voit comment quelqu'un rentre en boîte de nuit comme ça, là, que la plaie, là, chacun est consterné. Un juif sort lui comme tant que Moïse, Dieu t'a parlé encore cette nuit en entrant dans sa tente avec la petite amie. Quelle est la réaction de Finé? Il se lève, il prend. Qu'est-ce que Dieu dit de cela? Il de récompense. Humainement parlant, si on prend le jugement humain, qu'est-ce qu'on dirait de Finé? Et alors, qu'est-ce que vous dites donc de Dieu alors, quand Dieu fait cela? Qu'est-ce qu'il veut dire dans tout cela? Il veut dire, si vous voulez saisir ce que Dieu en a dit dans par douceur, il faut faire attention avec le caractère humain. Il faut faire attention avec le caractère humain. Notre caractère doit être soumis sous le contrôle du Saint-Esprit. Notre caractère doit être soumis. Vous n'allez pas attendre de quelqu'un qui, par nature, est bavard, qui croit et devient calme. Dieu peut transformer son système de bavardage pour son bien. Il va toujours continuer à bavarder, mais non pas plus bavarder dans les inutilités. Vous savez, n'est-ce pas? Dieu va prendre quelqu'un qui prend toujours le devant. Toujours le devant. Remarquez l'apôtre Pierre. C'est tout naturel que plus tard il est devenu capitaine. Quand on disait que voici le fantôme, première chose, il dit ok, tu dis que tu es le Seigneur, si c'est toi, alors, dis que j'étais à l'eau. Qui s'est jeté à l'eau? Qui s'est jeté à l'eau? Donc quand ça n'allait pas, il fonçait d'abord. Avant qu'arriver en route, que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc au moins il était devant. C'est n'est-ce pas? Donc il y avait quelque chose derrière lui qui portait dans d'être devant. Vous suivez ça, frère? Donc les caractères, nos caractères que nous avons dans le monde, c'est pour ça que. Quand vous suivez, quand on parle de porter sa croix, ou bien si quelqu'un ne meurt à soi-même, si quelqu'un ne meurt à lui-même, ne peut être de mon disciple, c'est quelque chose qu'il faut creuser et comprendre. Mourir à soi-même, lorsqu'on grandit, il y a des caractères qui se forment en nous. Vous allez voir par exemple certaines personnes qui ont grandi, il y en a deux qui en a détecté ici. J'étais en train d'observer quand il regardait, il dit pourquoi cette personne s'est comme ça. Vous voyez que la personne a grandi dans une extrême souffrance où ça, il n'y avait rien à faire pour que cette personne rie. Donc la personne n'a pas le caractère pour rire. Vous faites n'importe comment, la personne ne rit pas. Pas qu'il est fâché, mais qu'il n'a pas l'habitude de rire. Maintenant, quand il va confronter la Bible, on dit que soyez toujours joyeux. Comment il va faire? Vous voyez, n'est-ce pas? Nos caractères doivent être sous la conduite, sous le... Quand nous croyons, ça c'est... Les personnes que vous avez prises tout à l'heure, là, toutes les personnes que vous avez prises tout à l'heure, n'étaient pas sous la conduite. Quand il parle de conduite, maintenant, c'est sur le tabernacle du Saint-Esprit, comme dans le Nouveau Testament qu'on veut. Parce que cet ordre s'est donné dans le Nouveau Testament. Vous n'allez pas attendre des choses comme ça dans l'Ancien Testament. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit, ce qu'on vient de lire dans Philippiens chapitre 4, là, vous n'allez pas entendre des choses dans l'Ancien Testament. Ok, maintenant, il y a donc les caractéristiques, des caractères dans le Seigneur qui veut que nous ayons cela. Vous pensez que c'est être doux que de faire des fouets, frapper les gens des pigeons, de vendre des pigeons? Hein? Voilà. Donc, celui qui est doux ne veut pas dire nécessairement qu'il n'est pas sévère. Parce que Dieu lui-même qui est bon et en même temps sévère. Oh, maintenant, pour que tu sois en même temps, que tu aies ces caractères-là, il faut que tu sois sous la conduite du Saint-Esprit. Quels sont ceux qui sont mariés ici? Honnêtement, maintenant, les femmes, quelles sont celles qui sont mariées? Levez les mains. Bon, je pose la question, est-ce que tu es jalouse souvent? Donc si tu es jalouse, ton cœur fait comment quand tu es jalouse? 1000 à l'heure. Et son cœur bat 1000 à l'heure. Nous avons fait que ce qui t'appartient est menacé. C'est ça, 1000 à l'heure. 1000 à l'heure, ça veut dire ce qui t'appartient est menacé. Et vous, les hommes, vous êtes jaloux. Même avec le Saint-Esprit, vous êtes jaloux. En fait, jaloux, c'est le nom de Dieu. Vous savez ça, frère? Il dit que, pas qu'il est jaloux, comme il est amour. Dieu est amour, non? L'amour, c'est son nom. Il est jaloux. C'est tout naturel que tu es, que nous ayons cela. Si tu es un homme et que tu es marié, il y a un cromagnon qui rôde autour de ta femme. Tu dis que tu n'es pas jaloux. Quelque chose, il y a quelque chose de faux chez toi. Donc, je veux dire seulement que c'est naturel. Mais maintenant, prenons maintenant cela dans le corps des sanctifiés. Et prenez maintenant ce que vous allez dans le tribunal, vous entendez crime passionnel. Vous vous posez la question, pourquoi celui-ci a commis le crime? Parce qu'il a trouvé un homme avec ça. Il a été jaloux à l'extrémité. La colère l'a emporté. Il n'a pas pu se maîtriser. Vous voyez qu'il y a eu jalousie et jalousie, n'est-ce pas? Alors, la jalousie d'un chrétien est différente de la jalousie d'un non-chrétien. Vous ne pouvez pas me dire que vous seul qui êtes chrétien, c'est vous seul qui aimez. Quand vous êtes marié comme ça, il y a des mondains qui sont mariés, non? Ils ne disent pas que chérie, je t'aime, les mondains là. L'amour du chrétien est différent de l'amour du mondain. Parce que le mondain peut dire que chérie, je t'aime. Il n'y a que toi seul, sachant qu'il a des mentir et qu'ils sont comme ça dans un autre bureau. Alors que le chrétien doit être sincère, son amour doit être vrai. Je ne sais pas si vous voyez la différence, là je vais en venir. Vous saisissez? Alors lorsque cette personne a dit que comment puis-je être doux comme Dieu le veut, il faut être sous la conduite du Saint-Esprit, le laisser maîtriser et briser ses caractères. C'est quand le Saint-Esprit sanctifie ton caractère, que tu commences à marcher à un moment donné. Quand tu es un parent, que ton enfant doit faire quelque chose, vous dites, la Bible déclare qu'on n'entend ni clameur. Ni, les clameurs, c'est les éclats de voix. Qui tonne de plus de haut de ce sens, c'est les montagnes frémissent. Hein? Il dit qu'il tonne depuis. Quand il tonne, la Bible déclare que quand il tonne le grondement, les montagnes disparaissent, non? Il gronde, il ne veut pas le petit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que vous n'êtes pas les éclats de... Alors maintenant, comment un enfant gronde, casse le verre, il veut ramasser. Tu vas dire, s'il te plaît, ne prends pas le verre, ça va te couper, c'est ça, frère? Vous me suivez? Laissez-le dormir, laissez-le dormir. Laissez-le dormir. Suivez attentivement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On est prendre dans un camp comme dans un autre. Lorsque Dieu parle, quand vous entendez le tonnerre faire la brouille, même quand vous êtes ici, vous en prêchez comme ça, vous croyez que c'est l'enlèvement qui a eu lieu. Vous ne bougez pas, vrai? Alors, je suis en train de le dire ici. Lorsque l'enfant fait quelque chose à la maison, ou bien il est sur le pont, ou bien tu mets un enfant, il dit, reste ici. Et tu te tournes, tu vois que l'enfant peut-être en train d'aller dans l'huile, à mettre la main dans l'huile ou dans l'eau chaude. Tu dis que non, ça va te faire du mal. C'est ça, frère? Qu'est-ce que tu fais? Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant avec ce qu'il dit? Toi, on n'entend pas de clameurs. Vous voyez qu'il faut effectivement saisir ce qu'on a de me dire, n'est-ce pas? Ça veut dire que si moi, je suis en train de parler avec un frère, avec un soeur, il y a n'importe quoi, je ne dois pas avoir des éclats de voix comme chez le monde. Dans le monde, vous entendez le voisin, vous entendez que sors ici un chien comme ça. Je vais te. Tu ne me connais pas. Avec le pain comme ça, vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Le chrétien ne doit pas être dans ces conditions-ci. Mais pourtant, cette même personne qui a été grondée en luttant comme ça va aussi gronder son enfant, comme tu grondes ton enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour qu'il y ait la différence? Il faut que le Saint-Esprit ait pris le contrôle du caractère. Pour que vous puissiez dire la vérité à quelqu'un, même si vous êtes en désaccord, en aimant la personne. Vous saisissez, n'est-ce pas? J'espère que vous me saisissez. Souvenez-vous, tout le mois d'août, on est à jeûne. Tout le mois d'août. Donc, ça, c'est pour la première question. Pour être doux comme le Seigneur, il faut savoir être tempérant. Et la tempérance là est un des. Hein? Qui l'accorde? Dans Galates chapitre 5, on dit quoi? Le fruit de l'esprit c'est? Hein? Hein? Oui. Oui. Oui. Ah? Là. Voilà. Donc vous voyez effectivement qu'il faut que le caractère soit couvert par le Saint-Esprit. Sinon, tu vas dire que non, là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Que ce n'est pas parce que tu vas entendre le langage, les synonymes, c'est ce n'est pas parce que je suis chrétien qu'il faut me marcher sur la tête comme ça. Souviens-toi que j'ai fait le karaté. Je vais te montrer de quel bois je mets. Tu vas voir mon côté à animal. Voilà les synonymes. Ça ne doit pas être comme ça. D'accord, mes soeurs. Ça, c'est la première question. Maintenant, c'est la deuxième qu'on va travailler. La deuxième question, c'est comment je peux garder mon cœur toujours plus jeune. Il dit bien, voici, s'il y a une question de siècle, là voici. Comment je peux garder mon cœur toujours pur, constamment pur. Que Dieu nous aide vraiment. Comment je vais garder mon cœur toujours pur. En fait, les bribes de cette question ont été répondues dans plusieurs enseignements que nous avons eus ici. Dans, par exemple, enlever les obstacles de nos yeux, devant nous, séparons-nous des choses, des ténèbres, et consacrons nos seigneurs. On en a vu là-dedans en plein. Standard pour être enlevé. Nous en avons vu. Suivez, vous ferez mieux de les resuivre. Vous ferez mieux de les resuivre. Examiner la méchanceté de notre cœur, que nous avons vu ici, ça se trouve là-dedans. Mais on va augmenter l'écran aujourd'hui. Ok. Comment puis-je avoir un cœur pur et rester toujours pur? C'est une question. Voici le pourquoi on est dit sur la question du siècle. D'où la question sort dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 8. Le Seigneur Jésus dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça devrait nous pousser à poser des questions. Qui ici veut voir Dieu? Sans exception, chaque personne, pas vrai? Alors il faut qu'on cherche quoi? Le cœur pur. L'implication est tout nette. Donc quand vous lisez la Bible, vous dites, oui, je médite, vous dites: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On ne traverse pas ce genre de verset comme ça, n'importe comment, frère. Il faut se poser la question, est-ce que moi, je suis prêt à voir Dieu? Ai-je le cœur pur? Si c'est non, la question est toute naturelle. Comment? Comment donc la voir? Maintenant, on va commencer. Allons-y, Deutéronome chapitre 6. Merci Père. Deutéronome, le livre de Deutéronome 5e livre. Quand vous commencez à lire, je vais vous donner des passages. Deutéronome 5e livre de la Bible là. Si vous avez la Bible de la bonne numérotation. Ou bien la numérotation standard. Deutéronome chapitre 6. Comment dois-je garder mon cœur pur? Comment avoir un cœur pur? Garder mon cœur toujours pur. Que Dieu bénisse la personne qui a écrit cette question. C'est pour cela que je suis venu. Je veux toute votre attention véritablement maintenant pour que je puisse bien parler. Nous devons comprendre donc que l'époque où nous vivons, c'est on vit à une époque vraiment délicate. Vraiment délicate où tout peut arriver. Enfin, vous savez, même pas tout. Vous savez ce qui est sur le point d'arriver. Au-dessus de nous, les ténèbres, ça. Deutéronome chapitre 6. Verset 5. Vous avez moi. Regardez, attends, je veux que vous suivez attentivement. Notez aussi Deutéronome chapitre 10. Notez, Deutéronome chapitre 10, verset 12. Notez, je vais vous donner des versets. Si vous voulez noter, plus qu'avec des poses, on va lire au fur et à mesure. Chapitre 10, verset 12. Chapitre 11. Les versets 13 et 18. Donc, Deutéronome chapitre 6, verset 5, chapitre 10, verset 12, chapitre 11, verset 13 et verset 18. Josué chapitre 22, verset 5. 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 2 aussi. Vous y êtes. Donc, 1 Pierre chapitre 1, on va s'intéresser aux versets 20 à 22. Donc, on va parcourir quelques versets là-bas. On va s'intéresser aux versets 20 et 22. 1 Pierre chapitre 2. Deutéronome chapitre 6. Vous avez noté Deutéronome chapitre 6, n'est-ce pas? Donc 1 Pierre chapitre 2, verset 11 et verset 25. Verset 11 et verset 25. Verset 11 et verset 25. 2 Pierre chapitre 2. verset 8. Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu chapitre 10. Esaïe, couche-toi, tu dors. Couche-toi. Matthieu chapitre 10, verset 28. Chapitre 11, verset 29. Chapitre 16, verset 26. Marc chapitre 8, verset 37. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Verset 56. Chapitre 12. Verset 15 à 20. Luc chapitre 12. Verset 15 à 20, c'est le verset 20 qui nous intéresse dans ce Luc chapitre 12. Dans Luc chapitre 12, verset 15 à 20. Actes des apôtres. Chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 27. Chapitre 20, verset 10. 2 Corinthiens 12, verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Tout juste à côté maintenant. Donc, ce que venez vous donner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Notez tout juste à côté, Matthieu, chapitre 5, verset 8 là. Matthieu chapitre 5, verset 8 et Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous les mettez trois ensemble. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Matthieu chapitre 5, verset 8 et Hébreux chapitre 12. Et mettez-les ensemble parce qu'il faut qu'on va les, on va les faire fondre. 1 Thessaloniciens chapitre 23, verset 23. C'est ça, non? Matthieu chapitre 5, verset 8. Et Hébreux 12, verset 14. Verset 14 de Hébreux 12. Vous avez pris Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 27. Chapitre 20, verset 10. Apocalypse. Non, avant Apocalypse. 3 Jean. 3 Jean. Verset 1. Bon, 3 ans, il y a un chapitre. Donc, chapitre 1, verset 1. Apocalypse, chapitre 6. Verset 9. Chapitre 18. Verset 13. Maintenant, on peut commencer. Comment avoir le cœur pur, toujours pur, et que ça demeure pur? Comme j'ai dit tout à l'heure, là, j'ai dit, avant qu'on lise ce livre de Luc, chapitre Deutéronome, chapitre 6, verset 5, et puis chapitre 11, là, chapitre 10, verset 12, j'ai dit que nous avons vu des bribes là, dans les enseignements. Et je me souviens, dans l'un des enseignements, nous avons dit ici, ce que vous savez que ça peut vous déranger, il faut faire quoi? Il faut enlever. Vous êtes fatigué, frère? Il faut faire comment? Bon, lorsque nous grandissons donc, il y a des choses et des paramètres qui sont dans nos vies que vous l'admettez ou non, qui nous ont influencés. Et les bons et les mauvais. Pour ceux qui ont fait le vidéo club, les vidéo club, vous montez, vous descendez, vous avez imité Jackie Chan. Nous sommes d'accord. Amen. Vous avez imité Rambo. Nous sommes d'accord. Amen. Où est-ce que ça vous entraînait? Ou bien qu'est-ce qui vous animait? Juste que tu vois l'enfant déchirer ses habits comme ça, il dessine des choses comme ça pour être comme Rambo. Bien que c'est, vous appelez quoi? C'est un qui les biceps sont chétifs comme pour les fourmis. Mais il veut imiter Rambo parce qu'il a été influencé. Beaucoup d'enfants sont entrés dans le karaté comme ça à cause du fait qu'ils ont vu Jackie Chan, Jet Li, pas vrai? Voilà. Beaucoup de filles ont eu des modèles d'habits maintenant par suite du fait qu'elles ont vu certaines séries télévisées et qu'elles ont copié le modèle sur un top modèle. Nous sommes d'accord. Donc nous sommes influencés parce que nous voyons, entendons et autres. C'est pour ça que dans le livre de Pierre que je vous ai donné là, la Bible déclare que l'autre qui était juste tourmentait journellement son âme. Juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de la conduite criminelle. dont la conduite criminelle des habitants venait et frappait sur son âme. Et ça le dérangeait. Comment ça parvenait à pénétrer son âme? Donc on ne peut pas toucher le problème de cœur pur sans toucher le problème de l'âme. Le vrai problème se trouve là-bas. Le vrai problème se trouve au niveau de l'âme. C'est pour cela que chaque fois, quand le commandement de Dieu sera donné dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer. Remarquez bien, c'est le livre de Deutéronome, chapitre 6. Lisons le verset 5, puisque c'est là où on va commencer. Regardez le verset 5. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Soulignez ton âme. Vous voyez? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça fait trois ici, pas vrai? Maintenant, regardez bien que chaque fois qu'il y aura le cœur, il faut qu'il y ait l'âme. Maintenant, vous allez voir dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, comme je vous disais, Marc chapitre 8, verset 37, et Luc chapitre 9, verset 56, où le Seigneur a retenu ceci. On lui a posé la question que quel est le plus grand commandement. Il a cité Dieu. Il dit voici ce qui est semblable. Vous voyez? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est un défi. Il dit bien, c'est un défi. Que de savoir que normalement, les êtres qui disent servir Dieu devaient s'asseoir pour savoir si, un, la partie du cœur aime le Seigneur de façon indélébile. Ses pensées sont ancrées sur le Seigneur de façon indélébile. Notez Hébreux chapitre 13. Pour savoir si toute sa force c'est sur le Seigneur. Et si toute son âme c'est sur le Seigneur. Donc voilà les choses, les sujets qu'il faut travailler. Donc j'ai dit Hébreux chapitre 13. Notez le verset 17. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Notez également Hébreux chapitre 4, le verset 12. Le chapitre 6 aussi de Hébreux. Verset 19. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Chapitre 10, verset 12 dit quoi de ce Deutéronome aussi? Puisqu'on a donné cela, lisons tout ce qui est dans Deutéronome. Chapitre 10. Verset 12. On dit maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Donc, en fait, c'est-à-dire que ce que Dieu te demande n'est pas compliqué. Voici tout ce que Dieu te demande. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous avez vu cela? Cœur et âme. Commençons par parler doucement. En fait, de toute façon, ce que je vais parler chaque fois, les versets sont cités là. Vous les avez déjà entièrement. L'apôtre Jacques, notez Jacques, merci. Ah, c'est fort là. Mais ce n'est pas lui que je voulais citer là. L'apôtre Jacques. Je voulais citer l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques. Prenons Jacques. Notez Jacques chapitre 2. Le verset 26. Donc vous voyez ici que dans Deutéronome chapitre 10, le verset 12, il dit que tout ce que Dieu te demande, c'est de l'aimer. Le service, de marcher dans ses voies et aimer tout ton cœur, de toute ton âme. Maintenant, je voulais dire, l'apôtre Jean, vous avez noté Jacques dans chapitre 2, verset 26, non? Bon, pour les gens, on a noté totalement. Dans Apocalypse chapitre 6, je vous avais noté ça. Verset 9. Ok, donc. La Bible déclare lorsque le cinquième sceau est ouvert, il dit j'ai vu sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus. N'est-ce pas? Et ces âmes-là criaient. Notez Luc chapitre 6, c'est quand même terrible. Je crois qu'il va falloir arrêter ici là maintenant. Non, laissez comme ça pour noter. C'est pas incroyable ça. Alors, ça veut dire que. Non, je vais citer certaines choses encore avant d'aller sur la conclusion pour que vous c'est ce que je vais dire. Écoutez très attentivement. J'ai dit le problème de répondre à cette question demande des cœurs purs. Il faut qu'on touche le problème de l'âme. Ok. Regardez attentivement. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, ce que je vous ai donné là, Vous avez noté, je crois que j'ai donné 2 Corinthiens. Chapitre 12, c'est ça non? Le verset combien? Ok, la partie B, l'apôtre Paul dit, il dit que, parlant des Corinthiens, parce que les Corinthiens lui créent tellement de troubles, il dit qu'il va dépenser volontiers sur leurs âmes, même si c'est en leurs aimant être moins aimé. C'est ce qu'il dit dans ce livre de 2 Corinthiens, chapitre 12. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Il dépense sur quoi? Leurs âmes. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que l'apôtre Paul André parlait de l'investissement qu'il fait pour quelque chose qui se trouve dans les êtres humains, les chrétiens à qui il en a de parler. Il veut dépenser sur leurs âmes. Vous suivez ça? Hein? Dans 1 Thessaloniciens, je vais revenir. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, vous avez lu qu'il dit que tout votre être, votre corps, votre âme et votre esprit soient gardés irrépréhensibles jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Donc, il y a la nécessité de sanctification au niveau de l'âme. Beaucoup oublient cela. La dernière fois ici, nous avons pris des choses que nous notions. Nous avons noté Matthieu chapitre 5, où le Seigneur a dit que c'est ce qui vient de la bouche qui souille l'homme. On a cité les adultères, le vol, on est dans l'ambulance, différents versets. On dit que si ces choses sont en vous, c'est ça qui nous souille, non? Donc il faut que ça soit purifié. On a vu cela ici. Examinons la méchanceté de nous, que ça a été vérifié. Mais maintenant, touchons le côté de l'âme. C'est le plus dangereux parce que c'est souvent, on ne voit pas. Il faut qu'on touche cela. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on peut donc parler aujourd'hui de. Il faut que le chrétien examine les désirs de son âme. Examinons les désirs de nos âmes. Ou mieux encore, ou bien tout simplement la sanctification dans nos âmes, dans notre âme. La sanctification dans notre âme. Regardez très attentivement. L'une des choses que les gens qui se versent dans l'enseignement, parce qu'on dit qu'il faut qu'on soit pur, on soit pur, il faut qu'on soit saint. Frère, sanctifions-nous. Oui. Sanctifier corps, comment? Vous dites que voici le saut de la peinture, voilà voici le truc, mettez la peinture sur la maison. On ne met pas la peinture sur la maison n'importe comment, il y a des techniques pour mettre la peinture sur la maison, il y a des zones qu'il faut brosser, il y a des zones qu'il faut passer certaines couches de choses avant de mettre la peinture, n'est-ce pas frère? Aucun métier n'est fait au hasard, c'est pour ça qu'on ne veut pas des gens qui font les à peu près. Il faut les spécialiser dans chaque domaine. Alors vous dites, vous allez enseigner à quelqu'un, et si c'est l'opération chirurgicale qui n'a pas besoin de rien, même d'un millimètre, ça doit être ça ou c'est pas ça du tout. Quelqu'un se lève et dit que frère, Dieu veut la sanctification. Alors la question c'est quoi la sanctification? Se sanctifier de quoi et comment? Donc c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que tout votre être, votre corps, votre âme, votre esprit soit gardé irrépréhensible jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. C'est un défi ici. La sanctification du corps. On peut connaître. C'est là qu'il faut commencer à donner la sanctification au niveau du corps. C'est quoi la sanctification du corps? Il faut qu'on s'habille bien. Il faut qu'on sache que notre corps, on ne doit pas faire n'importe quoi avec notre corps. Comme 1 Corinthiens chapitre 6 le dit au verset 19. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifié donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, il faut que même mon esprit appartienne à Dieu. Je dois savoir que ça appartient à Dieu. Donc, je dois le glorifier avec. Comment glorifier Dieu avec son esprit? Ça suppose qu'on en a parlé que n'importe quelle musique, parce que la musique implique automatiquement l'adoration. On n'écoute pas la musique avec la chair, c'est avec l'esprit. Donc si j'écoute une musique mondaine, j'ai un problème avec Dieu. On n'a pas besoin d'écrire une musique mondaine dans la Bible. Si vous entrez dans l'esprit, vous comprenez ce qu'on en a dit. Parce que la musique, c'est les choses de l'esprit. Ça touche ton esprit. Et parce que quand ça influe sur ton émotion. Donc on parle de musique mondaine là, comme l'une des choses. Ça influe dans ton esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. On n'a pas besoin de dire que dans la Bible que n'allez pas en boîte de nuit, n'écoutez pas. On n'a pas besoin d'écrire ça. Ça se trouve là dedans. Tout comme on a parlé ici de la cigarette, c'est pas écrit nulle part de ne pas fumer. Mais si tu fumes, tu sais que tu as détruit depuis les dents, les trucs avec la nicotine dans le corps. Tu sais que tu as détruit ton corps. La Bible déclare que ne savez pas que votre corps est le temple du Saint Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Donc la cigarette contenue dans ces versets, Dieu n'a pas besoin d'écrire de façon explicite. Vous suivez ça, n'est-ce pas? De telle enseigne que n'importe quoi que tu vas ingurger qui va détruire ton corps, ça sera contenu là-dedans. Sinon, on va donner les détails sur la cigarette, donner les détails sur le maquillage, sur l'hydroquinone. Ah, avec les médias clairs, immédiates même clairs. Donc faisons attention à la parole du Seigneur. Je suis en train de vous expliquer certaines bases avant d'avancer. C'est pour ça que vous allez voir effectivement, les gens vont dire que sanctifiez-vous. Mais on ne dit pas dans quoi il est question de sanctifier. Dans Exode chapitre 19, quand Dieu a dit à Moïse que descend, sanctifie le peuple, quand Moïse est descendu, il savait exactement ce qu'il devait leur dire. Il a dit sanctifiez-vous, changez de vêtements. Il leur a dit en quoi consiste la sanctification. Si c'est bien, c'est mal là-bas que ça va toi. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Si c'est ténèbres, d'abord, il se tourne, il finit de la montée, il descend, il dit que Israël, sanctifiez-vous, soyez près d'un trône, Dieu va vous descendre. Il rentre dans sa tente. Ça, c'est l'un des mauvais prédicateurs qui puisse exister sur la terre. Donc, il faut donc dire à quelqu'un en quoi consiste la sanctification. Il y a véritablement le besoin de sanctification à l'intérieur, l'intérieur et à l'extérieur. Vous suivez ça, frère? Alors, maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 4, que vous connaissez à partir du verset 3, il dit ce que Dieu veut. Quand la Bible dit ce que Dieu veut, il n'y a pas de dérivation ici. C'est sa volonté parfaite et explicite. C'est votre sanctification. Il a dit ça, frère? Donc, Dieu, dans le haut du ciel, veut la sanctification. Il veut que. Il a dit ça de façon explicite depuis l'Ancien Testament. Il dit je suis saint, soyez saint. C'est ça qui est écrit. Il dit et si vous invoquez ton Père, celui qui juge sans acception de personne, conduisez-vous dans la crainte pendant votre moment de pèlerinage sur la terre. C'est pas ça? Il dit que soyez saint dans toute votre conduite. Donc, il y a la sanctification dans le comportement. Et là, il va falloir qu'on développe. Vous voyez qu'à chaque point seul, c'est des heures et des heures. Que les tenir là-bas, tu dis que non, soyons saints, frère, soyons saints. La sanctification ne consiste pas seulement que non, je ne fornique plus, jamais. Tu peux quitter la fornication physique, tu fornis plus qu'avant. Tu peux quitter l'adultère physique, mais tu commets encore l'adultère encore 400 000 fois. Nous sommes d'accord. Ça vous fait mal ça, hein? Mais c'est quand même la vérité. Puisque le Seigneur a dit que si on vous a dit que si vous touchez, vous avez commis, moi, il vous dit, vous regardez, vous admettez, vous avez commis. Combien de nous regardent et admettent? Vous voyez, quand on ne comprend pas ces choses, on ne peut pas comprendre pourquoi l'habillement des femmes de ce siècle-ci est une inimitié, une abomination devant le Seigneur, on ne peut pas comprendre. Parce qu'il n'y a rien qui fait pécher les gens que le péché de l'œil qu'on voit là maintenant. Nous sommes d'accord. Alors maintenant, ça veut dire que Papa Tani peut venir ici en venant, vous savez combien l'adulté, au moins 7 fois. C'est pas ça, Papa Tani. Tu dis, comment? Tu veux dire que ton œil ne voit pas aussi? On voit, on fait seulement que tu. Il faut admettre la vérité, c'est pas ça, frère? Alors, comment garder son cœur pur? J'ai fait un exemple que je viens de prendre. Vous voyez les jeunes filles nues exposant le corps de toutes les parties de leur corps. Vous regardez. Vous dites que je n'ai pas regardé. Vous mentez à vous-même. Vous avez regardé. Et il n'y a pas un verset qu'on ne dit pas que ne regarde pas. Jésus n'a pas dit que c'est quand tu auras regardé que tu auras le problème. Il a dit que ce n'est pas le problème là-bas. Le problème, ce n'est pas regarder. Le problème, ou bien regarder est le commencement du problème. Il n'a pas interdit de regarder. C'est ce qui vient après regarder qui est le problème. C'est ça le problème, n'est-ce pas, frère? Il a dit que mais celui qui aura regardé et qui? Et maintenant, vous voyez dans Josué chapitre 7, c'est ce qui est arrivé à Akan. N'est-ce pas? Quand on allait l'attraper, il dit que Josué a dit, quand Josué est allé dans la révélation, Dieu lui a dit que c'est dans la famille là que ça se trouve. Il a dit, mon fils, courage, dis-nous ce que tu as fait. Il dit, je suis allé, j'ai vu. Il a fait quoi? Il a vu un manteau de Chinéen. Il dit, son cœur a. Et il a. Donc le problème, c'est que si Patrick il était aveugle, il ne devait pas avoir le problème. Non. Dis à ton voisin que Dieu te rende aveugle. On ne peut pas dire, n'est-ce pas? Dis à ton voisin que c'est mieux que Dieu te rende aveugle. Comme ça, tu ne vois pas et toucher. C'est pas la blague, ça. Il faut qu'il nous rende aveugle, pas vrai? Hein, frère? Comment tu veux spirituellement sur ça? Comment même encore spirituellement sur ça, il ne fait pas. Que c'est. Mais celui qui fait comme ça là, écoutez, si tu es ferme comme ça là, tu vas commencer à entendre des choses maintenant, ça va te déranger aussi. Donc il ferme aussi les oreilles. Donc on a un véritable problème au niveau de notre âme. L'âme donc est le siège des passions. C'est à cause de ça qu'il y aura le développement. L'âme donc est le siège des passions. L'âme donc est le siège des passions. Quand tu entends quelqu'un dire que suis attentivement, que je suis passionné par le foot, ça veut dire que vous prenez son âme. Il y a des taches de ballon partout. C'est que avec ce langage, je ne sais pas si vous pouvez saisir ce que veut dire. Il y aura des taches de ballon partout. Quand vous voyez quelqu'un voir le match et il hurle jusqu'à ce que la sueur coule, jusqu'à ce que d'autres personnes mettent ses genoux par terre. Pendant que quelqu'un a marqué, juste à se dire merci Seigneur, même un athée, à cause du ballon, son âme est en danger. Ou mieux, son âme est en prison. Vous avez quelqu'un, même je ne pas dire, wow! Vous savez, quelle équipe? Oh le Barça et tout! Wow! Jusqu'à ce que la sueur coule. Mais dis-lui que mets tes genoux par terre pour qu'on prie. Il dit que, si je parle de Dieu, ne comprend pas. L'âme est le siège des passions. des passions, c'est le siège des passions. Et par conséquent, le véritable champ de bataille des chrétiens avec les pensées. C'est là se trouve le problème. Enfin, on va voir cela dans la Bible, ce que l'apôtre a dit. Lorsqu'on n'a pas saisi ces choses, c'est pour ça que vous voyez certains chrétiens, certains groupes chrétiens disent que l'âme c'est l'homme lui-même. Vous allez dans la Bible, on a déjà vu ça ici. Lorsque nous parlions de l'âme, corps, esprit, divin, entre corps, âme et esprit, au-delà. On a vu ça ici, où on a dit l'homme est formé de ces trois êtres-là. Non, non, c'est tout ce que les gens peuvent dire, témoins, je vais peuvent dire au-delà. On ne s'en occupe pas. Mais vous avez une partie de vous qu'on appelle l'âme, qui est différente de ce que la Bible dit dans ce Lévitique-là et Deutéronome, que l'âme d'un corps est dans le sang-là. Ce n'est pas sans condition de parler. C'est un être. Maintenant, je vous ai donné Matthieu chapitre 10, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 10, le verset 28. Le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le et ne peuvent pas tuer l'âme. Vous voyez effectivement que lorsque le corps est inerte, votre corps est inerte, écoutez très attentivement ce qu'il veut dire, parce que le verset, c'était pour revenir dans ce verset-là, pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Lorsque le corps est inerte, c'est-à-dire que le souffle, le nefesh est sorti. C'est sorti, le roi, c'est sorti hors du corps, jusqu'à ce que le corps est inerte. On met sur le lit, on a mis dans votre truc glacé là, à la morgue. Les gens pleurent chez Aude là-bas. Lorsque le corps est là, vous coupez le corps, il y a le sang dedans. N'est-ce pas, frère? Vous coupez le corps, le sang se trouve là-dedans. Lorsque vous mettez dans la terre, ça pourrit, ça décante, après ça entre dans la poussière. N'est-ce pas, frère? Mais le Seigneur Jésus dit dans ce Matthieu chapitre 28, quoi, chapitre 10, verset 28, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui après ne peuvent pas tuer l'âme. Mais pourtant, le corps est là couché avec le sang. Et ça va pourrir, ça va disparaître. La poussière est dedans à la poussière. Maintenant, voici ce qu'il dit. Il dit, craignez plutôt ceux qui peuvent tuer et le corps et faire périr l'âme dans la Géhenne. Donc, ça veut dire que ce qui peut détruire l'âme, ça se trouve dans la Géhenne. Voilà. Donc, ça veut dire que l'âme, c'est une partie constitutive du corps, à part entière du corps physique. Nous sommes d'accord? Alors, c'est dans cela que se trouve dans le siège donc des passions et de nos différents désirs que nous pouvons avoir. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est interconnecté avec ton mental, ton cerveau, ton système nerveux, ainsi de suite, interconnecté. Je vais parler dans ces choses-là, mais je veux seulement que vous ayez que cette tête-là qu'on appelle âme, le danger, c'est là-bas. Parce que c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que peut donner un homme en échange des... Donc, un homme a une âme. C'est le Seigneur disant que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, ton âme, ta passion doit être le Seigneur. C'est ça, voilà ce que ce commandement le dit. Tu dois être passionné du Seigneur. Alors, l'âme des gens était vivante lorsque les corps ont été coupés. Dans ce livre de Apocalypse chapitre 6, verset 9 que j'ai cité, que vous avez noté. Il dit que lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été décapités. Donc, on a décapité quelqu'un, son âme se trouve là-bas. Et l'âme criait, Seigneur Saint et véritable, jusqu'à quand tardes-tu à juger prendre le jugement sur les habitants de la terre? On dit qu'une robe blanche leur fut donnée. Et leur fut dit qu'ils soient gardés encore pour un peu de temps, pour que le temps que leur compagnon soit mis à mort sur la terre. Donc, on les met à mort sur la terre, ils se retrouvent là-bas. Souvenez-vous de ceci, lorsqu'on cesse, on ferme les yeux ici, c'est le commencement de l'éternité dans les deux camps. C'est le commencement. Donc, c'est pour ça qu'il faut arranger ces choses ici. Et par conséquent, ta passion, lorsque tu quittes la terre, va t'amener vers la conséquence. Ta passion, lorsque tu es sur la terre, lorsque tu quittes le corps, va t'amener vers la conséquence de ces passions-là. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui domine ton âme? La faim va t'entraîner là-bas. Ne pensez pas que vous allez vivre de façon charnée sur la terre ou vous lisez livrez au plaisir mondain. Vous dites quand je vais mourir, une grande lumière va venir me chercher. Même si c'est une grande lumière qui va me chercher, c'est l'illusion d'abord. Après, tu vas entendre les cris de lamentation. Vous suivez ces frères? Okay. Ce à quoi vos âmes s'entretiennent constamment va vous conduire dans la direction de Dieu ou bien vers la direction de l'enfer. Ça va comme ça, n'est-ce pas, ma soeur? Il dit encore, ce à quoi on passe le temps à s'entretenir, ce qui nous passionne sur la terre, ce qui produit nos désirs, les choses que nous produisons, les choses qui nous captivent le plus, les choses par lesquelles nous vivons, nous laissons traverser au travers de nous. Les conséquences seront terribles lorsque nous traversons de l'autre côté. Nous allons voir tout cela dans la Bible. Je vais permettre-moi de parler. Je vous ai dit, ce questionnement, si nous allons résoudre cela, Si ce n'est pas aujourd'hui, nous ne finissons pas aujourd'hui, nous prendrons une deuxième partie. Alors, à plusieurs reprises, donc depuis l'Ancien Testament, Dieu parle de cette âme-là. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Le Seigneur, sachant que dans l'Ancien Testament, ce qui... Suivez attentivement, je veux que vous me saisissez bien attentivement. Regardez, je veux votre attention avant de parler. Le Seigneur, sachant que sur la terre, on a un ministère charnel. On a un ministère charnel, donc pas de révélation de l'Esprit. Sachant que Satan va établir son culte de personnalité pour qu'on puisse l'adorer, a interdit à l'homme, principalement sur la terre, le culte d'une autre divinité en dehors de lui. Il a dit qu'on veille, si on faisait ces choses-là, c'est notre âme qui est en jeu. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 19, c'est ce qu'il a dit là-bas. Il dit, veille attentivement sur ton âme, que le danger. Tu vas faire le culte. Il n'a pas dit c'est le culte, ton âme qui va faire le culte. Il dit, tu vas faire le culte. Parce que quand tu vas faire le culte, tu vas avoir, peut-être ils vont prier quelque chose comme balle, on prie les balles. Les choses vont venir, ils vont être passionnés des balles et par conséquent, c'est livrer leur âme là-bas. Il dit que veillez attentivement sur vos âmes, veillez attentivement sur vos âmes. Car le jour où le ténèbre vous apparut à Horeb, vous n'avez vu ni figure d'homme, ni figure d'animal, ni d'une femme. Donc veillez de ne pas faire une représentation, de faire que vous livrez à un culte de la mer du ciel, n'est-ce pas frère? Et par conséquent, l'interdiction de l'idolâtrie impliquée de faire tel enseigne que les gens ne devaient pas avoir les cultes des anges, des cultes des objets. Leur âme était précieuse pour Dieu. Il dit, veillez attentivement sur vos âmes. Dans la nouvelle alliance maintenant, Satan sait effectivement qu'il y a la révélation de Dieu Esprit. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il pervertisse l'homme dedans par les passions. Donc la guerre maintenant est dans les passions pour nous dérober de l'adoration du vrai Dieu. C'est donc pour cela que la Bible déclare qu'il faut qu'on fasse attention à ces choses-là. Allons dans le livre de 1 Pierre. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 2 de 1 Pierre. Je vous ai donné ça aujourd'hui, je crois. Verset 11, c'est ça? Je vous ai donné 1 Pierre, chapitre 2, non? Verset 11 et 25, merci. Regardons le verset 11, ce que ça dit. Écoutez, bien-aimés, nous sommes d'accord clairement qu'il s'adresse aux chrétiens, n'est-ce pas? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Souvenez-vous, chaque fois, gardez la question à l'esprit. Comment faire, dois-je faire pour avoir le cœur pur, toujours pur, n'est-ce pas? Toujours pur. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Première chose, on doit se considérer comme on est des passages. Votre attention, bien-aimés. Dieu dit que l'une des solutions, ce sera d'avoir dans la pensée qu'on est des passages. Or, d'autres personnes vivent sur la terre comme s'ils vont vivre seulement éternellement et ici. Quelqu'un meurt à côté de toi pour donner une ascension, tu refuses de comprendre. Or, la Bible déclare que le cœur des sages est dans la maison du deuil. Celui qui vit prend garde à ces choses-là, n'est-ce pas? Donc, il dit ici, bien-aimé, je vous exhorte comme étranger et voyager sur la terre. Après, il va ajouter quelque chose là-dessus. Première chose, il faut qu'on assimile le fait que toi et moi, nous sommes voyagés sur la terre. Si on comprend comme ça, comment quelqu'un va tuer quelqu'un pour un terrain? Tu entends, on va condamner quelqu'un. Il a fait comment? Il a volé mon porc. Le garçon, il a volé quoi? Il a tiré quoi? Il a volé ma chaussure. Donc, on a brûlé un être humain parce qu'il a volé une chaussure All-Star. On l'a brûlé vif comme ça. Donc, une âme a été brûlée comme ça à cause de All-Star. Qu'est-ce qui se passe avec nous? On a volé sur la bouteille de gaz. On a mis la roue sur lui, on a mis le pétrole. On a volé comme ça. Regardez, il dit, bien-aimé, je vous exhorte. On se considère comme quoi? Étranger et... Quand quelqu'un est voyageur, ça suppose qu'il est de passage. Quand il est étranger, ça suppose il dit que ce n'est pas le chez moi. C'est pas ça, frère. La question que je me pose donc maintenant, c'est que est-ce que c'est comme ça que nous considérons ici? N'est-ce pas, le prophète dit dans le livre d'Hébreux que nous n'avons pas de cité permanente ici? Hein? On cite seulement lorsqu'il faut citer. Est-ce que ça prend vie? Est-ce que nous prenons cela à cœur, effectivement, comme si nous n'en étions pas partie, nous n'en faisons pas partie de ce monde? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir. Soulignez à vous abstenir. À vous abstenir. Vous y êtes? La façon que le premier volet et le deuxième volet sont liés. Le premier volet et le deuxième volet sont liés. S'il arrive que tu ne te considères pas comme étranger et voyager sur la terre, automatiquement, des convoitises de la terre vont nous avoir. Par conséquent, tu vas commencer à t'entraîner seulement avec les projets terrestres. Vous y avez moi? je vous exhorte, bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyagers sur la terre, à vous abstenir des convoitises qui font la guerre. Vous avez vu ça, frère? Donc, tous les pièges, les plaisirs du monde ont un seul but, nous déchoir de la grâce. Toutes les convoitises, les distractions que vous voyez, ont un seul but, nous déchoir de la grâce. C'est-à-dire que ça nous distrait pour qu'on soit disqualifié. Je vous ai donné Hébreux chapitre 6, verset 19. Vérifiez cela. Vous avez noté cela. Vous voyez, dans ce livre-là, l'apôtre Paul explique un principe avec le bateau là. Il dit que l'encre, il parle de l'âme là-bas, de l'espérance, notre espérance là, que nous la posons comme une encre sûre. Vous avez lu ça? Et solide. Lis ça, mon cher. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Oui. Une encre de l'âme. Oui. Sûre et solide. Oui. Elle pénètre au-delà du voile. Au-delà du voile. C'est terrible, frère. Au-delà du voile. Donc, votre chair que vous voyez là, l'espérance traverse votre histoire que vous avez appelée la chair ici. Pénètre au-delà, maintenant, encre. Vous n'espérez pas avec la chair, c'est pas avec la chair, c'est avec l'âme. C'est pour ça que vous pouvez être sûr de la certitude, sans pouvoir prouver charnellement. Et il dit cette espérance-là, nous la possédons. Et si vous n'avez pas cette espérance-là, ça ne sert à rien. On ne peut pas s'entretenir par les distractions en croyant qu'on a de l'espérance. Vous devez avoir cela en vous. Et ça ne peut pas en même temps être en vous. Parce que la Bible déclare, l'espérance ne trompe pas. Si nous avons cette espérance-là, nous allons nous y préparer. Alors, il dit que je vous exhorte donc comme voyager étranger à vous abstenir. S'abstenir, ça veut dire quoi? Notez 1 Jean chapitre 2. Et puis, 1 Jean chapitre 2, versets 14 à 16. En fait, vous savez cela. N'aimez point. Si quelqu'un aime le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, vous voyez effectivement que c'est l'œil, n'est-ce pas? La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Parce que quand tu as la convoitise, tu veux réaliser la même chose que tu as vu dans la vie, l'imitation. Ah mon Dieu, que Dieu nous vienne en aide. Les versets comme ça, prenez cela et méditez-y. Tout ce qui est dans le monde, c'est ce qui est écrit là-bas, c'est lui 1 Jean. La convoitise des yeux. Je vais vous dire quelque chose. Quand je quitte ici, je vais quelque part pour que vous voyez le danger des prédicateurs de la prospérité. Vous allez voir là maintenant. Il dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Et par conséquent, si ton âme a été ancrée sur la convoitise, tu passeras avec. Mais, le verset finit par. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dis à ton voisin, sanctifie ton âme. Donc il y a véritablement un besoin de sanctification de l'âme. Sanctifier l'âme veut dire se débarrasser des différents souillures, des convoitises mondaines qui s'est ancrées en nous. Nous pourrons le savoir par nos passions. Ça se stérilise. Quand vous voulez savoir si un courant passe, vous mettez tout simplement le testeur là-bas. Vous voyez quelque chose s'allumer à l'intérieur, non? Vous savez que ça passe, pas vrai? Restez seulement tranquille, regardez ce qui vous passionne. Quels sont vos projets et observez où votre âme se trouve, à quel état ça se trouve. Vous saurez tout simplement. C'est un travail nécessaire, absolument nécessaire, sinon il y aura la désillusion au jour de l'appel. Alors maintenant, je vous ai donné 3 Jean chapitre 1, n'est-ce pas? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état dont l'âme doit faire quoi? Arrêtez-nous là-bas pour voir le maintenant les prédicateurs de la doctrine de prospérité. Alors, sur cette base, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et tous les autres de la Bible vont d'un seul cran pour nous dire que la prospérité de l'âme, c'est lorsque l'âme s'est liée dans l'espérance sûre. Pas vrai? Jean dit qu'il faut qu'il prospère de cette même façon-là. Qu'il vive dans l'espérance, exactement comme son âme a obtenu l'espérance qui est en Christ. C'est ce que 3 Jean chapitre 1, verset 1 est en train de dire. Quelqu'un vient dire ici qu'on prend ça pour perdre de l'argent. En quoi est-ce que l'âme prospère comme l'argent? Vous voyez comment on peut prendre le verset maintenant et aller pour nous ancrer effectivement là où on veut qu'on en sorte, n'est-ce pas? Quand on veut que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. C'est pour ça que dans une prédication, je vous pose la question, comment l'âme prospère? Répondre à cette question, où serait ce que le verset le dit? Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'âme ne prospérera jamais matériellement, jamais. C'est le matériel justement qui est à l'extérieur qui fait la guerre à l'âme, dit la Bible, comme on le voit ici dans 1 Pierre, chapitre 2. Il dit, bien-aimé, je vous exhorte comme étranger et voyager sur la terre à vous abstenir des convoitises mondaines. Quand on parle de convoitise, il n'y a pas de convoitise sans qu'il y ait de visibilité. C'est lié. Donc vous devez voir quelque chose. Akan a dit dans Josué chapitre 17, il dit, j'ai convoité que mes yeux ont vu. Il envoie tout simplement l'image à l'intérieur. Tu vois le carton d'or là, oui. Les gars vivent dans les tentes ici. Tu sortiras une villa. Tu écris à côté là-bas, villa à Akan. Tu passes ici, on sent que tu n'es pas n'importe qui ici. Dehors. La convoitise, il dit, hey. Que Moïse dit qu'on ne prend pas les diamants. Il est fou seulement. S'il est allé dans le désert, il n'a plus rien à faire. Il a vécu sa vie. Il croit que je suis encore jeune comme ça. J'ai de l'avenir. Il a pris à les mettre là-bas. Ça a détruit toute sa famille. Faites attention. Donc la convoitise, regardez bien, je vais encore citer 1 Jean chapitre 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, j'arrive là-dessus, si quelqu'un aime le monde. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas aimer le monde et en même temps aimer Dieu. Parce que Dieu a déjà rejeté le système mondain. Dieu a déjà arrêté le système mondain. Et par conséquent, si toi tu y fais alliance, tu as vendu ton âme. Comme le livre de Jacques, je dis au chapitre 2, vous avez également donné cela. Donc il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, virgule, la convoitise des ne vient point du Père. C'est quand même curieux que tu vois le prédicateur dire que non, tout le développement là, c'est Dieu qui a donné l'intelligence parce que eux ne comprennent pas ce que la Bible elle dit de cela. Que non, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme. Il a de rejeter cela. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc c'est que quand tu as sur la terre ici, tu sens que tu n'es pas n'importe qui est dehors. C'est un danger pour ton âme. Quand tu sens déjà que tu n'es pas quelqu'un. Que tu n'es plus n'importe qui ici dehors. Alors tu as des problèmes avec Dieu. Parce que dans ce Matthieu chapitre 5, où nous avons pris le test de départ, il dit errer les débonnaires. Donc ceux qui ne veulent pas être débonnaires, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas être quelque personnalité d'important. Il faut que je sois un type ici de comme ça. Tout le monde va me respecter. Ton âme est finie. Errer les débonnaires. Qui veut être débonnaire? Ne répondez pas à cette question-ci. C'est votre âme qui s'en est posée la question. Qui veut être débonnaire? C'est donc pour cela qu'il a dit dans ce livre de Hébreux, chapitre 13, que je vous ai donné également, verset 17. Il dit que obéissez à votre conducteur parce qu'il veille sur vos âmes. L'apôtre Paul a dit que dans 2 Corinthiens, chapitre 12, que j'ai cité tout à l'heure, verset 14, il a dit que je vais dépenser sur vos âmes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a de faire? Dans la première lettre, il écrit pour les sanctifier. Il écrit pour les sanctifier, pour les montrer effectivement qu'il faut qu'ils soient fiancés. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, justement, verset 1, il dit, je vous ai fiancé à un seul épouse pour vous présenter comme une vierge pure. Parce qu'ils avaient été purifiés. Vous voyez ça, frère? Alors l'apôtre Paul dit qu'il va dépenser sur leurs âmes. Il va toujours leur donner la nourriture, qu'il va les nettoyer pour les connecter à Dieu. C'est pour ça que dans ce livre de Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit que, et si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses, affectionnez-vous. Vous avez vu cela? Vous posez la question, comment faire pour toujours? Pour toujours, il faut s'entretenir dans l'affection des choses célestes. Il faut toujours s'entretenir dans l'affection des choses célestes. Ça se passe par l'entraînement. Quand les gens qui font du sport font constamment du sport, à un moment donné, ça devient évident. À force d'exercer, vous obtenez la capacité à faire facilement. Donc, vous pouvez rester tranquille comme ça. Que Seigneur, donne-moi l'affection des choses d'en haut. La Bible est à côté de toi. La Bible déclare, ne dis pas que est-ce qu'elle est au ciel pour qui va monter au ciel. Il dit qu'elle est près de toi. Dis à ton voisin, c'est près de toi. C'est quand même curieux. Il croit qu'il y a des gens qui font seulement gifler, pas vous délivrer. C'est-à-dire que tu prends la Bible. S'il dit qu'il y a le démon, tu fais comme ça, pam, pam, avec la Bible. Comme ça, il croit qu'il est délivré. Maintenant, il prend la Bible. Regardez, quelqu'un dit que, frère, quand je prends la Bible, je dors. J'admets qu'il y a le démon aussi, n'est-ce pas? Mais vous avez un rôle à jouer. Parce que quand tu manges, le démon ne te dérange pas. Nous sommes d'accord. Quand on voit les séries, le démon ne dérange. On voit jusqu'à ce que quand ça va finir, quand le son sort de l'air, on dit oh, ils vont bientôt couper. Oh, après un moment, on a la publicité de cube ou bien de quelque chose. On dit oh, les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Vous voyez les bonnes choses? Maintenant, quand il prend la Bible, à l'instant, il appuie la Bible. Tu entends? On baille trois fois. Quand on n'est pas encore ouvert. Quelqu'un a baillé dans la barre. Écoutez. Vous voyez? Donc, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert seulement. Quelqu'un a baillé. Donc, c'est fort là. Alors, ça veut dire que quoi? Notre cœur n'est pas entretenu, exercé. La Bible déclare qu'il exerce mes mains au combat. Il m'entraîne pour combattre. Donc, l'apôtre Paul dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dans le livre des Proverbes, chapitre 8, versets 35 et 37, la Bible, il dit que heureux ceux qui veillent à mes portes et en gardent les poteaux. Heureux ceux qui veillent. Donc, il faut passer du temps là-bas. Je crois que c'est quelqu'un qui a posé la question aujourd'hui, que veut dire que chercher à être dans la présence de Dieu. Donc, passer du temps dans la lecture et la méditation de la parole. Il a déjà dit ça mille et une fois dans la Bible. N'ai-je pas déjà mis par écrit pour toi, c'est pas ce qui est écrit là, des conseils et des réflexions. C'est écrit, non? Tu veux réfléchir, va là-dedans. Tu veux les énigmes, va là-dedans. Tu veux la sainteté, va là-dedans. Tu veux la vie, c'est là-dedans. Celui qui me trouve a trouvé le bonheur. N'est-ce pas ce qui est écrit? Et si vous allez dans la Bible, donc, ça va vous indiquer avec quelqu'un qui va donner le repos dans votre âme. Je vous ai donné Matthieu chapitre 11, verset 29. Il a dit quoi dans ce Matthieu chapitre 11, verset 29? Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et vous trouverez du repos. Pourquoi? Vous avez vu ça là, ça se trouve, n'est-ce pas? Le repos de l'âme. Pourquoi? Parce que l'angoisse des convoitises, les recherches des convoitises dans le monde ici, on se fatigue pour eux, on croit peut-être qu'en réalité, on est poussé dans ces différentes directions. On ne sait pas qu'en réalité, ce sont nos convoitises à l'intérieur qui font qu'on se développe dans une et dans l'autre voie. Le Seigneur Jésus dit, ok, en fait, trouve-moi, tu vas voir, ça va se reposer. Ça va se temporiser. Amen. Et elle a donné un mauvais exemple qu'on ne devrait pas imiter. Je vous ai donné également ce passage dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 15 à 20. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères? Il dit le verset que vous avez donné. Je vous ai dit qu'en développant, ça va sortir là-dedans. C'est cet homme-là qui avait fait que son champ a produit. Là. Dieu avait donné la grâce, son champ a produit. Vous connaissez cette histoire. Verset 15. Le champ d'un homme avait beaucoup produit. Il a dit qu'est-ce qu'il veut faire? Il a cassé les greniers. Il en a bâti, en stocké. Regardez l'erreur que quelqu'un a fait. Qu'est-ce que, quand il a vu, vous voyez encore la chose, n'est-ce pas? Quand il a vu qu'il avait la réserve de nourriture pour deux âmes, il a dit l'orgueil est entré. L'orgueil de la vie. Quand tu sens que tu es quelqu'un ici dehors, c'est un danger. Ton âme est en danger. Je vous ai dit cela. Il a dit, mon âme, tu as de la nourriture en abondance. Réjouis-toi. Dors-toi tranquillement. Le verset 20 dit que cette même nuit, Dieu a dit, insensé. Ton âme aujourd'hui, ton âme te sera demandée. On parle à cette personne, on dit que son âme. On parle à cette personne, on dit que son âme. Donc il va enlever le plus précieux, ce qui est en lui. Il va enlever, il va extirper. Il va extirper cela et par conséquent, il va expirer. Il dit que ton âme te sera demandée. Ok, et ce que tu as amassé donc, pour qui? Où est-ce là, n'est-ce pas? Alors, où se trouvent donc nos passions sur les choses terrestres? Cet homme-ci avait la richesse vite avant. Mais il a fait mauvais usage. Il s'est confié dans ses richesses. Au lieu de glorifier la personne qui donne la richesse. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il ne parle pas de la fatigue de l'homme du corps, non. Tout ce qu'on fait dans la vie ici, il avait d'abord envoyé un scientifique spirituel. Salomon qui nous a dit que si vous suivez ça, c'est poursuite du vent. Aujourd'hui, quelqu'un vient encore, il poursuit la même chose. Salomon dit que vous n'attraperez jamais. J'ai déjà essayé, fatigué, je n'ai pas pu attraper. J'ai déjà mis par écrit des conseils de réflexion. Pourquoi tu ne réfléchis plus là-dessus? C'est un peu comme quelqu'un a fait les tests de paracétamol dans la laboratoire et qui, en 2016, dit qu'il va aller tester si le paracétamol fonctionne. On a la fonction jusqu'à ce donner le certificat que ça fonctionne. On peut la vendre. Et il y aura les tests, ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Ecclésiaste marche. La conclusion, c'est vanité de vanité. La conclusion, c'est vanité de vanité. Tout sous le soleil est vanité. Maintenant, tout sous le soleil est vanité. Vous entendez chaque jour quelqu'un de construire le gratte-ciel. Il dit que nous avons bâti le record. Nous avons le plus haut gratte-ciel du monde. Vous comprenez? Il a compris vanité de vanité. Faisons attention. Notre âme est en jeu. Donc, il faut la sanctification dans l'âme. Maintenant, je vais vous donner trois versets de les mettre ensemble. Pas vrai? Matthieu chapitre 5, verset 8. N'est-ce pas? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. N'est-ce pas? Hébreux chapitre 12, verset 14. N'est-ce pas? Maintenant, on va les citer ensemble et puis on va les faire fondre. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, vous les avez, permettez-moi de prêcher, vous au moins ici vous connaissez la Bible. Il y a lui second, les lui second ici avec le docteur David et ceux. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il a cité ça au moins 7 fois. Que tout votre être, c'est terrible, c'est solennel, que tout votre être, votre corps, votre âme, votre esprit soit gardé quoi? Momentanément sur la terre. Hein? C'est écrit quoi? C'est jusqu'à ou bien c'est pour? Donc quand tu gardes pur, il faut continuellement garder cela comme ça jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, et dans Hébreux chapitre 12, dans le verset 14, il dit que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle on verra Dieu. Puis il dit, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que c'est eux qui voient dans la sanctification, il y a la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit, du cœur. Donc en fait, tout notre corps, le comportement de nous doit être sanctifié. Les pensées doivent être sanctifiées. Notre âme doit être sanctifiée. Notre amour va être sanctifié. Parce qu'il va falloir maintenant qu'on nettoie l'amour du monde en nous, que ce soit l'amour du Père, parce qu'il ne partage pas. Et comment ça se fait donc? L'apôtre Paul dit donc qu'il investit sur les âmes. Et l'apôtre Jacques prend dans ça, il dit que vous recevez cela avec douceur. Cette parole qui a été plantée en vous, qui peut faire quoi? Donc la parole vient pour nettoyer les convoitises mondaines. Les convoitises de notre chair, de notre âme, se nettoient par l'acceptation des préceptes et des principes du Seigneur. Les convoitises de nos âmes se nettoient uniquement. Il n'y a pas un homo que vous allez boire ou boire comme ça que ça nettoie ton âme à l'intérieur. Non. Ton âme doit confronter la parole. Et la parole nettoie. Ça veut dire que si quelqu'un rejette que la parole domine sur elle, c'est terminé. En fait, puisque la parole s'est fait chair, cette parole s'est tenue là, elle a dit que venez à moi. Venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Il a dit que son joug et son fardeau, c'est comment? C'est léger. Alors, ça veut dire que refuser la domination de la parole, le règne de la parole sur nos vies et dans nos vies, c'est automatiquement vendre son âme au diable. Vous n'avez pas besoin d'aller sur un pacte. Il suffit de refuser ça. Il suffit de refuser cela. Et puis, vous êtes cuit. Alors, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, dans ce Matthieu chapitre 5, verset 8, car ils verront Dieu. Puis ici, rechercher la sanctification, c'est à laquelle vous ne verrez pas Dieu. Donc, si vous êtes sanctifié, vous verrez Dieu. Donc, la sanctification, en réalité, c'est la pureté de cœur. La pureté de cœur, donc, c'est même le sommet. Donc, si vous avez la pureté de cœur, ça veut dire que vous ne convoitez pas le monde, vous n'aimez pas le monde. En fait, le cœur, c'est le centre de diffusion de toutes ces choses. C'est le moteur. Le cœur, c'est le moteur diesel de notre vie spirituelle. Si nous nous soumettons à la parole de Dieu pour qu'elle nous purifie. Vous suivez, frère? Donc, il dit à Israël, dans ce Deutéronome chapitre 6, il dit que l'Éternel, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit régner sur nos passions. C'est lui qui doit être notre passion. Quand vous continuez ici, vous commencez à voir les questions, faut-il aller en boîte de nuit? Ça ne se trouve pas. Le chrétien peut-il être professionnel de football? Ça ne se pose plus. Puis-je faire les concerts avec les trucs VIP? Ça ne se pose pas. Parce que quand, si tu avais trouvé que ton âme était sanctifiée, la question se devait être posée. Tu sauras que c'est ennemi de ton âme. Saura automatiquement. Dis à ton voisin, il faut que ton âme soit sanctifiée. Voilà. Maintenant, vous allez voir là où ça se trouve. La dernière écriture que je vous ai donnée, c'est Apocalypse chapitre 18, verset 13, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de Babylone, vous parlez des églises catholiques, vous savez pas ce qu'il arrive là-bas. Lorsqu'on parle de Babylone, lorsque ça a atteint son sommet, lorsque là-bas, je sais pas, vous allez dire que c'est encore moi qui dis. J'ai dit Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. Il s'agit de l'ascension de Babylone. Laissez pas les enfants aller aux toilettes seuls. Ils peuvent se faire de mal là-bas. Un enfant, moins de 2 ans, vous laissez aux toilettes. Vous y êtes, Apocalypse chapitre 18. Il s'agit ici du jugement de la grande prostituée, enfin, de Babylone la grande, n'est-ce pas? Et regardez attentivement. Chapitre 18 d'Apocalypse. Je crois que je vous ai donné le verset 13. Maintenant, prenons à partir du verset 1 pour que vous voyez doucement ce qu'il en est à l'arrivée. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Écoutez maintenant, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle mon peuple. Donc le peuple de Dieu se trouve en plein Babylone. Maintenant, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant, écoutez très attentivement, autant elle s'est glorifiée. Vous avez vu cela? Elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Frère, quittons le monde, je vous le dis. Quittons le monde. Et plongée dans le luxe, autant donner-lui des tourments et des deuils. Écoutez, parce qu'elle dit en son cœur, vous avez vu? Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Donc, vous voyez effectivement ce que ça, le convoitise, le luxe, les choses du monde peuvent développer, n'est-ce pas? Ok. Verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Verset 10. S'étant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Verset 11. Et les marchands de la terre pleureront et sont dans, pleurent et sont dans le deuil. Je recommence encore. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus de leur cargaison. Vous êtes là? Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Verset 13, enfin, des cinnamomes, d'aromates, des parfums de myrrhe, d'encens, de vin d'huile, de fines farines, des blés, des bœufs, attention frère, des brebis, des chevaux, des chats, des corps et. Vous entendez ça, frère? Dans Babylone. Alors, où est-ce que la somptuosité, la volupté et la luxurité à outrance du monde conduit les gens? Il dit que dans Babylone, le luxe l'a conduit et à l'intérieur, il y avait la captivité des les âmes des hommes, ceux qui l'ont fait tomber. Et les gens sont à l'intérieur en plein. Oh, nous vivons bien. On te donne quelque chose de précipité, tu vis là-bas, on te donne les voitures, la climatisation, tu as le vin de messe à Nagogo. Ils ne savent pas où ils se trouvent. Faisons attention avec les enjeux de notre âme. Jésus a posé la question, que donnerait un homme en échange de son? Vous devez répondre à cette question. Votre âme est précieuse, c'est pour cela que lui, il a dû descendre du ciel pour venir pour cela. Il dit donc, quand il a fini, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voilà pourquoi donc il disait tout à l'heure que c'est la parole seule qui peut aller sectionner ces choses. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que qui ne peut quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit. Ça doit séparer. Ça doit séparer. Vous suivez, frère? Donc, on a besoin de la sainteté dans notre âme. Il faut qu'on comprenne de façon claire que la convoitise, l'orgueil de la vie, les passions de la jeunesse, tout ce que nous vivons là, ça influence sur notre âme. Et vous l'admettez ou non, on est en plein là-dedans. Donc, il faut plutôt regarder maintenant comment les extérioriser. Mais il faut regarder que c'est là où ça vient. Vous pouvez, quand vous avez une image qu'on présente à la télévision chaque fois, petit à petit, vous commencez à développer. Il y a des gens qui boivent tel ou tel style de jus. Ils disent, pourquoi vous buvez ce style de jus? Ils ne savent pas. Ils croient que non, j'aime ça parce que sondez vraiment votre cœur pour savoir pourquoi vous aimez. On vous a influencé. Tu as été influencé. Vous suivez? Vous suivez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. On peut avancer dans la lecture. On peut avancer, frère. Amen. Alors, les enseignements doivent garder nos âmes. Il dit, dans ce Hébreux chapitre 13, verset 17, il dit que soumettez-vous bien, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Ce n'est pas qu'ils passent la nuit en disant que Seigneur, je prie pour son âme. Ce n'est pas ça dont il est question. Je prie pour son âme. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à Timothée que veille sur toi-même et sur ton enseignement. car en le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras toi, ceux qui t'écoutent. Quand les enseignements sont dispensés de la droite, vous comprenez pourquoi dans Jacques chapitre 1, 3, verset 1, là, il dit qu'on ne se met pas à enseigner n'importe qui. Imaginez donc comment quelqu'un est doté de prospérité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible dit que heureux les débonnaires. Vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible déclare que heureux ceux qui descendent, ils seront élevés. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je suis la tête. Je suis la tête. Il a dit que tu es la tête. Où est-ce qu'il a dit que tu es la tête? Vous entendez là, on se souvient, n'est-ce pas? Vous entendez, n'est-ce pas? Nos âmes ont des problèmes. Nos âmes sont en guerre avec la convoitise du monde. Il dit, je recommence encore ces 2 Pierre, chapitre, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir. Donc, listez tout ce que vous voyez comme passion qui peut vous influencer. C'est d'une importance capitale parce que c'est ça qui doit nous entretenir. Donc, nous devons nous en débarrasser. Qu'est-ce qui te passionne? On a peur en réalité d'entendre la voix de Dieu justement à cause de ces choses. Parce qu'il sait que si on vient, il va commencer à séparer. Quelqu'un dit jointure et âme. Il va commencer à séparer. Pour dire que ceci est sanctifié par la parole. C'est mis d'écouter par la parole. Tu ne dois pas toucher à ceci. C'est donc pour ça que c'est l'enseignement qui va venir donc, pour garder vos âmes. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Il dit, penserez volonté. Touche même en vous aimant être moins aimé. L'enseignement peut faire envoyer les gens en enfer. Enfin, il a dit. Et plusieurs vont venir enseigner les doctrines des démons. Plusieurs les suivront dans leur égarement. Alors, je vous pose la question. Lorsque vous passez, vous suivez les homosexuels, les passions, les lesbiennes partout, et passez toutes ces choses infâmes donc, qui se passent dans là, quel est votre état d'âme? La Bible déclare pour l'autre que ce juste-là tourmentait journellement son âme juste. Son âme juste. À cause de ce qu'il entendait. Et voyez, des conduites criminelles. Conduites criminelles. Remarquez comment les gens peuvent vivre. Donc, c'était un train quotidien chez eux, comme aujourd'hui. Ils vivaient comme ça naturellement. On dit que du plus petit au plus grand, ils ont envie de faire nous sortir les hommes qui sont entrés. C'est pour que nous les connaissions. C'est une culture naturelle. Aux États-Unis, tu ferais ça aujourd'hui. On va dire que tu es en train de. On appelle ça l'homophobie. Oui. Donc, ça veut dire que tu dois respecter les autres. Respecter le choix des autres. C'est ce qu'on a envie de dire aujourd'hui. Il faut respecter l'intimité des autres. Il a le droit de choisir ce qu'il en est. Donc, ce qui est comme condamné pour Dieu, pour les hommes, il croit que c'est la culture, que c'est un choix. Alors, Dieu, du haut des cieux, crie à nos âmes, retournez à la maison, laissez ce qui ne profite pas. C'est pour ça que dans ce livre de Jérémie, il a dit que si tu éloignes de toi ce qui est vil, et tu choisis ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc, vous devez analyser votre vie. Regardez si la passion, vous devez vous soumettre à la passion, vous devez vous soumettre à la volonté de Dieu en vous affectionnant aux choses d'en haut. Sanctifions nos âmes. Regardons les motivations de notre cœur. Quelles sont nos aspirations? Est-ce que nos aspirations quotidiennes, permanentes, les programmes que nous faisons un jour, deux jours, trois jours, une semaine déjà, que c'est un problème déjà, est-ce que ce sont des choses qui sont faites pour honorer le Seigneur? Alors la Bible dit que quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire du Seigneur. On ne déclare pas seulement que je fais tout seulement pour la gloire du Seigneur. Que dans ce cas, tu peux chasser quelqu'un chez toi pour la gloire du Seigneur. Tu lui refuses la nourriture pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas ça. On ne dit pas que je fais comme ça voilà, pour la gloire du Seigneur. Non. Il faut regarder si ça s'aligne avec la volonté du Seigneur. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, pour garder son cœur constamment pur, il faut avoir les yeux constamment sur Jésus. Et son cœur constamment accroché vers le haut. C'est ce qui est écrit, non? Notez Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Votre cœur bat au rythme du monde lorsque les regards ont été déconnectés du Seigneur Jésus et les inquiétudes vont envahir le cœur. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Donc, pour garder le cœur constamment pur, il faut avoir les regards constamment fixés sur Jésus et le cœur tourné constamment et continuellement vers le haut, c'est-à-dire s'affectionner perpétuellement et continuellement aux choses célestes. Le Saint-Esprit utilise un autre langage pour exprimer cet effet dans la Bible, dans le livre de Pierre. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la science. À la ceci, la tempérance. À la tempérance, la connaissance. Et ainsi de suite. Il dit car si toutes ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs. Vous voyez que le temps que vous passez pour faire ces choses-là, vous n'aurez pas oisiv. L'oisivité, justement, vient du fait que vous êtes libre. Et je vous avais dit ici que le cœur ne peut pas rester neutre. Il faut qu'elle soit entretenue comme un moteur qui doit être entretenu. Si vous n'êtes pas, vous n'entretenez pas votre âme comme ça, là, vous allez entrer dans l'oisivité. Alors, vous, quelqu'un dit que je m'en vais, donc vous pouvez dire. C'est donc pour cela que les gens, parce que l'âme désire quelque chose. Les gens, il faut que ça soit satisfait. Je m'en vais en boîte. Vous voyez, quelqu'un finit de jouer au ballon, il dit donne-moi quoi, une bière là. Après, il prend une cigarette. Qu'est-ce qu'il fait? Ceci montre que dans son âme, il y a une soif. Mais il croit peut-être que c'est la bière ou bien cette chose-là qui va donner la satisfaction. Mais ce n'est pas ça. Puisque quand il finit de prendre une cigarette, la prochaine fois, il prend encore une autre deuxième cigarette. Il prend une bière, il prend une autre bière. Un temps, ça le dérange, mais il prend quand même. Il prend, il dit que non, quand il pisse, il fait beaucoup. Il n'est pas pissé. Ça n'empêche pas qu'il vient faire. Vous entendez quelqu'un dire que pendant les jours de fête, il vient boire jusqu'à vomir. Il boit. C'est là. Il se tourne, il part, il fait, oh, il vomit. Il vient s'asseoir, il boit. L'homme est possédé. Il dit que j'ai bu jusqu'à, et j'ai vomi jusqu'à. Il ne sait pas que son corps même. Et c'est tout son système était dans les épreuves. Après, tu vas lui dire que salut, maintiens la main comme ça. Il va maintenir comme ça, faire comme Jean-Paul II, comme s'il m'invitait Jean-Paul II. Comme ça. Tu dis que lève le pied, tu restes comme ça, il va comme ça, faire comme ça. Là. Tu dis que reste tranquille, il ne peut pas rester tranquille. Parce que tout le corps s'est affaibli. Donc, Satan fait le temps que par nos passions, nous nous tuons, nous nous tuons à petit feu. Tu te tues, tu détruis tous tes organes. La cigarette vient détruire l'œsophage, ça détruit l'intestin, ça détruit le cerveau. Tu fumes, quelqu'un fume en buvant de l'alcool. Il fume en buvant le Coca-Cola qu'il a mis l'alcool à l'intérieur, le lion. C'est-à-dire les sachets en ce musqué là. Oui, quand il boit. Vous entendez que vous dites, je te sais quoi, il dit, donne-moi ce qui chauffe. Donc ce qui chauffe, c'est ça qu'il veut prendre. Pour chauffer à l'intérieur. Il dit que j'ai froid, il faut qu'il prenne un peu ce qui chauffe. Frère, quand on a chaud à l'intérieur, on prend quoi? Même le simple, il doit comprendre que le pH de l'intérieur ne doit pas être modifié. Il boit comme ça. On dit l'alcool est dangereux pour la santé. Il dit donne-moi ça. Il boit, il cite son nom. Il boit, il dit ha, que c'est le ha qui boit. Quand ça brûle la gorge, il croit que c'est le froid qui en est sorti, que c'est le froid qui sort. Il ne sait pas qu'il est en train de tuer la sensibilité de son corps. Donc, autrement dit, son corps est en train de mourir sans qu'il ne sache. Un jour, il va aller. On va dire que ton foie est touché. Ton rein est touché. Il dit docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous voyez, les êtres humains sont possédés. Le vrai problème, c'est que leur âme est emprisonnée, ils ne savent pas que c'est mauvais. C'est pour ça que vous allez leur dire cela, ils vont dire que non. Tu crois que tu crois Dieu plus que qui? La foi, c'est dans le cœur, et son cœur est déjà englouti dans l'alcool. Que ça, la foi, c'est dans le cœur. Vous voyez que si Dieu nous avait donné seulement un libre cours, qu'on professe seulement la foi comme ça, alors c'est que tout le monde est dans la foi. Mais la réalité est tout autre. Là où ton encre, ton âme est passionnée, c'est là où ta foi est passionnée. Autrement dit, c'est ton Dieu. C'est pour ça qu'on parle des dieux de football. Les dieux de football en ont décidé autrement. On dit comme ça, les gens croient que c'est parce qu'il y a des divinités derrière. Les Jeux Olympiques. Je vous pose la question, c'est qui Olympe? Je vous pose la question, c'est qui s'appelle Olympe? Vous ne savez pas, hein? En 2016, sur la terre du Seigneur jusqu'en 2016, vous ne connaissez pas qui est Olympe. Allez chercher, ok, au moins, Coupe du Monde, hein? Même ça, vous savez au moins, Coupe du Monde. Qui est le prince de ce monde? Vous avez entendu Coupe du Ciel? Vous avez entendu Coupe du Paradis? C'est Coupe du... Allons-y, n'aimez point le monde. Allons-y, n'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si j'aime le monde, je me trompe que j'aime Dieu. Même si ici les versets bibliques, je me trompe moi-même. Ça va là? Donc, en résumé, pour cette première partie, parce qu'on va continuer. En résumé, pour cette première partie, pour avoir un cœur pur, il faut regarder aux alentours de moi ce qui peut me pousser à la convoitise. Il faut regarder aux alentours de moi, dans mon entourage, dans mon environnement, dans la société. Il faut vérifier ce qui peut me tirer dans la convoitise, qui peut me pousser à la convoitise. Donc, en résumé, il faut que je regarde autour de moi, parce que c'est l'œil qui le fait. Regarde autour de moi tout ce qui peut activer en moi la convoitise, peut m'attirer dans la convoitise. et l'orgueil de la vie. Quand on parle de l'orgueil de la vie, mettez entre parenthèses pour qu'on puisse définir cela. Pour en langage simple, vous compreniez. L'orgueil de la vie. Entre parenthèses, c'est-à-dire la soif d'être quelqu'un ici dehors, bien d'être vu par les autres et apprécié. L'orgueil de la vie. La soif d'être vu et apprécié des autres. Se montrer soi-même. L'orgueil de la vie. En résumé, avoir un cœur pur et continuellement, il faut un. Première chose, vérifier dans mon entourage, autour de moi, dans la société, les choses qui peuvent me pousser à la convoitise, attiser en moi la convoitise. Et l'orgueil de la vie, entre parenthèses, cette soif-là, cette haine-là de devenir quelqu'un, que je serai quelqu'un, vous allez me sentir. Je vais être quelqu'un d'important. Il faut que je passe, on sent que quelqu'un est passé. Quand j'arrive dans ma famille, bang, bang, on sent que je suis la fille de Jésus au nom de Jésus. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Laissez Dieu nous allonger dans les ailes du vent pour nous présenter où il va nous présenter. D'accord? Si Dieu dit que ta position c'est le chiffon, comme moi par exemple, quand tu chiffonnes n'importe quoi, c'est une bonne position. Parce qu'au moins, quand les gens sont sur la table, ils ne se salissent pas. On te prend, on te nettoie. On te met dans un coin là-bas. Est-ce qu'on te dérange? Quand tu as nettoyé la table, tu es à côté là-bas. Amen. Alors lorsque c'est vérifié, que ces choses sont vérifiées, les éliminer systématiquement sans blaguer. Ça c'est un mot. Donc après avoir vérifié, lorsqu'on les a identifiés, il faut les éliminer de façon systématique sans blaguer, sans jouer, sans tolérer. Deuxième cas maintenant. Deuxième chose. Après qu'on ait fait cela, tronquer ou transformer nos moments de loisirs et des plaisirs charnels, nos moments. Donc on va transformer, c'est-à-dire que initialement tu voyais que ma passion était de voir les séries télévisées, de voir les séries nigériennes, de voir les films nigériens. Parce que, et vous voyez comment les raisonnements viennent, ça vous trompe. Que non, je vois comme ça, il reçoit l'éducation, vous savez pas qu'on est de vous noyer. On est de vous noyer. C'est vrai qu'on va dire certains aspects de Jésus à l'intérieur, mais on va vous apprendre la sorcellerie, on va t'apprendre la prostitution. Vous allez voir les gens nus, vous allez voir entretenus là-bas. Petit à petit, vous commencez à avoir la couche de nuit et les sorciers, quand vous entretiennent là-bas à l'intérieur, d'autres sont véritablement, ils sont les magies noires et magies blanches qu'on est de vous montrer pour pratiquer. En voyant que vous voyez dans la nuit que vous êtes dans une réunion, vous ne savez pas quelle réunion vous allez faire, vous mangez une viande, vous ne savez pas que c'est ce que vous allez participer. Faites attention, ce sont des choses de l'esprit. Alors, en deuxième lieu donc, tronquer ou transformer nos moments de plaisir charnel et de distraction que nous avions, transformer nos moments de plaisir charnel et de distraction que nous avions autrefois en des moments d'éveil au poteau du Seigneur. En des moments de veille au poteau du Seigneur. C'est ce qu'il a dit dans Proverbes chapitre 8, verset 35 et suivant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit qu'on lit la Bible ou on fait des choses du Seigneur, on se fatigue. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous pouvez faire n'importe quoi du monde, vous fatiguez. Quand on joue au football au maximum 90 minutes, chacun est fatigué. Pas vrai? L'excès de la parole ne nuit pas. L'excès de la prière ne nuit pas. L'excès de méditation ne nuit pas. Voilà les choses qui ne nuisent pas. Parce que l'homme est l'âme, est insatiable. C'est ce que le prophète dit. L'œil regarde toujours, il n'est pas rassasié, n'est-ce pas? Si je dis que j'ai vu une belle fille, ça c'est belle. Quand tu vas te marier, quelqu'un va te passer devant toi, tu dis, hey, j'ai fait le bon choix. Tu regardes encore une personne, elle est encore belle. Tu dis que c'est pour ça que tu vois l'homme veut toujours prendre. Tu entends quelqu'un prendre 100. Il s'en prend 100, pourquoi? Parce qu'il y a la grosse, la mince, la brune, l'effinée, la courte, la ronde, la sèche derrière, ainsi de suite. Parce qu'il cherche tout cela. Et quand il voit la 1000, Salomon a pris 1000, ça l'a laissé. Il a dit qu'il a trouvé finalement. Après, il a laissé la clé à un autre de la terre. Il dit, si vous parlez à trouver, c'est un don de Dieu. Amen. Amen. Donc, tronquer nos moments de méditation, de passion. Suivez attentivement ce que je viens de dire. Initialement, dans le 1, j'ai dit identifier. Vous identifiez par exemple que j'ai passé mon temps à la maison sur les films nigériens, par exemple, sur les football, National Geographic. Cet temps-là, enfin, on a appris qu'il y a quatre façons pour tuer son temps. Rester ne rien faire, c'est tuer le temps, non? Pour tuer le temps. Et souvenez-vous, Joseph dit que Dieu donne à chacun 24 heures. Chacun va gérer ses 24 heures. Et il va demander le compte pour tout cela. Alors, je prends 5 heures de temps, je suis devant la télévision. Pourquoi on se met devant la télévision en voyant le film? Mais quand on va voir les choses de Dieu, c'est latent. C'est comme si c'était, ça pesait. C'est parce que notre âme est déjà habituée à des futilités. Il faut donc faire, donc, utiliser ce que la Bible appelle la violence pour s'en emparer. Vous n'avez pas deux choix parce que vous avez accepté de façon volontaire que les choses du monde nous absorbent. Et bon gré, malgré vous. Parce que pour d'autres, ils ont grandi dans une maison où il y a cela. D'autres ont grandi dans une société où il y a cela. Donc, sans votre avis, c'est entré. Maintenant, il faut que vous preniez la décision ferme puisque c'est une histoire de la vie ou de mort. Vous devez prendre une histoire, une décision. Alors maintenant, j'ai une télévision qui me dérange. Je n'ai qu'une seule chose. Si vous savez que ça vous dérange, enlevez ça de là. Ça vous dérange, enlevez. Parce que sinon, tu vas mettre la télécommande ça. Qui a mis la télécommande à côté? Après, tu vas dire que je vois seulement le journal. Tu fais type journal ça. Maintenant, il décide de voir seulement le journal. Pipe 15 minutes. En voyant 15 minutes, on dit que annonce à la fin de ce journal, ça va montrer ce qui s'est passé en Europe. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu finis de suivre? Après, on dit que dans ce journal, on dit qu'on va expliquer, on va commenter ce qui est vraiment arrivé. L'invité, c'est tel. Qu'est-ce que tu as fait? Le journal est 15 minutes, tu te rends compte que tu as fait combien? 2 heures de temps. Après, pendant qu'on fait ça, on dit qu'une pause. On dit qu'à 21h30, un film spécial qui montre comment maintenant élever les enfants. Qui est derrière? Tu vois, maintenant, dit que mes enfants me dérangent, il faut qu'ils voient. En voyant que tu as fait 4 heures de temps devant la télévision. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour notre édification. Amen. Il dit qu'il a déjà mis tout. C'est ce qu'il écrit là-dedans. N'ai-je pas déjà mis pour toi tout par écrit? Proverbe 22, verset 17, c'est écrit là. Qu'il a déjà tout mis par écrit, ce qui nous est nécessaire. Amen. C'est le monde qui nous a donné son standard, que par jour, il faut connaître le journal. Vous pensez que le roi David et Salomon, il avait Élie là-bas, et Paul, cherchaient à savoir ce qui est arrivé à Rome, s'il y a une nation là-bas? Connectez-vous au réseau du ciel où la vision, le caméra donne avec le zoom en temps réel. C'est le plus meilleur du journal. Connectez-vous au réseau du ciel. Là-bas, on ne coupe pas le courant. Vous allez voir en temps réel. Pendant que je suis en train de parler, j'ai regardé un endroit qu'on appelle Cologne. Vous savez qu'on appelle Cologne? Cologne. Cologne. Quelque chose est positionné là-bas. Cologne. Et puis j'ai vu deux pays. C'est parce que ce sont les étoiles que j'ai vues. Bon, j'ai déféré mes données sans donner l'explication. Donc j'ai vu deux étoiles en Europe, dans le continent européen. Une étoile brillait plus que l'autre. Une étoile brillait plus que l'autre. Et les autres étoiles étaient en dessous de cette étoile. Cologne, c'est à Cologne. Mais quelque chose est placé là-bas, en plein carrefour. Il y a le goudron qui est passé sur une colline comme ça. Une route montante. Je ne sais pas où vous me saisissez. Une colline montante. Quelque chose est placé à gauche. Ça, c'est Cologne. Cologne. Je dis donc que connectez-vous dans le réseau du ciel, vous allez avoir le journal en temps réel. Temps réel, sans tourne. Là-bas, les médias peuvent, si tu es du côté de tel opposant, tu peux dire des choses qui nous concernent. Là-bas, c'est la justice. On te filme, on zoom sur toi, ça monte en temps réel. Sans interprétation. Amen. Donc, première chose, observer et distinguer autour de nous ce qui nous crée la distraction. C'est ce qu'il dit à mondanité. Toutes ces choses qui peuvent nous entretenir, n'est-ce pas? Deuxième chose, les éliminer systématiquement. Non, c'est toujours dans la première. Les éliminer systématiquement. Maintenant, deuxième point, tronquer. C'est-à-dire que transformer ces moments. J'étais au niveau du point où je sais que voici le moment où je lisais, je voyais ces choses-là. Quel que soit l'entretien que vous faisiez. Et que vous savez que ceci n'est pas pour la nourriture de mon âme. Parce que tout ce que vous faites sur la terre, souvenez-vous attentivement. Si vous prenez n'importe quoi, que ce soit un truc éducatif sur la terre, Dieu n'a pas prévu les choses éducatives pour nourrir nos âmes. Il s'agit de sa parole. Il dit que recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. On n'a jamais dit qu'un conseil de choses matrimoniales sauve les âmes. C'est la parole du Seigneur qui doit planter en nous, qui doit sauver nos âmes. C'est pour ça que j'ai dit que refuser que les principes du Seigneur ou bien sa parole gouverne sur nous, c'est rejeter son âme ou bien donner son âme à Satan. C'est la parole qui doit gouverner. C'est la parole qui doit régner sur nous. Souvenez-vous de ce livre de Luc, où il a donné cette parabole-là. Ce roi, cet homme qui est né de haute stature, qui est allé pour aller prendre la royauté et revenir. Il a dit à ces gens-là que tous ceux qui ont refusé qu'il régnât sur eux, amenez-les ici à ma présence et égorgez-les. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Toute personne qui empêche ou refuse la gouvernance de la parole du Seigneur dans leur vie sont voués à la destruction. C'est ce que 2 Thessaloniciens dit. N'est-ce pas? On dit ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Ils auront pour fin la destruction. Donc l'évangile doit régner en nous. Ok. Donc je disais donc que tronquer dans ce moment-là, en des moments d'éveil devant les potées du Seigneur, comme Proverbe chapitre 8, verset 35 à 37 nous dit. Courage. En des moments d'éveil devant les potées du Seigneur, ce moment d'éveil donc varie. vous pouvez quitter de la lecture à la méditation, de la méditation au cantique, du cantique aux prières intenses, des prières intenses au moment des nages, pendant les nages encore justement, ne parlons pas de cette vision-ci, au moment où vous nagez, vous restez dans la présence du Seigneur sans rien dire. On dit donc que tu te reposes sur son épaule. Vous restez là sans rien dire, en silence. Votre âme est nettoyée. Alors c'est pour ça que quand ces choses ne sont pas entretenues, quand ce n'est pas entretenu, vous voyez quelqu'un dit que je vais dans la prière, vous dites prie. Seigneur Jésus, merci pour cette journée, ça limite ce. Merci pour cette journée-ci. Bénis ce repas, bénis les mains des personnes. C'est une prière connue partout comme le notre Père. Prie pour ce repas, bénis les mains des personnes qui l'ont fait, donne qu'ils ont toujours à faire. Nous prions aussi à ceux qui n'ont pas partout. C'est connu partout. Prière passe partout. Alors quand on finit, on dit au nom de Jésus, amen. On dit qu'on a prié. Alors vous dites à quelqu'un que allons prier. Il se met là-bas. Tu entends? Une fois, deux fois, un temps, tu as fait frotter là. Il n'est plus là. Il dit qu'il allait prier. La dixième minute, il avait fini sa prière. Donc, le reste, il continue à prier. Mais je sais que ce n'est pas facile parce qu'on est habitué à un système. Ça doit venir. Ça doit venir. Il y a des gens qui ne pouvaient pas gêner, n'est-ce pas? Nous voici, pas vrai? On est entré dans un système de mouvance. On va continuer comme ça. Souvenons-nous, le mois d'août, on passe tout le mois d'août dans le jeûne. Tout le mois d'août dans le jeûne. Le moment venu, je vais vous donner le passage sur lequel on travaille. C'est le passage de c'est l'obtention de la promesse. C'est là, c'est la phase où nous entrons. L'obtention de la promesse. Pas des promesses. N'essayez pas de me dire que Dieu m'avait dit telle chose, il faut que je prenne mon cahier de promesses. Ce n'est pas ça dont je parle. Je parle de la promesse. Là. C'est la promesse. Parce que c'est la promesse qui a toutes les autres promesses. C'est ça dont il est question là maintenant. D'accord, frère? 1. Examinez autour de nous toutes ces choses-là, ces objets et ces choses qui peuvent nous amener à la convoitise, les passions donc, qui alimentent notre corps de passion. Des choses. Voici la chose par exemple. Les questions comme qu'est-ce qui vraiment me plaît dans la vie-ci vous serviront. Les questions comme celle-ci. Qu'est-ce qui vraiment me plaît dans cette vie-ci? Ou bien, quelle est dans cette vie-ci la chose que si on touche, ça va me faire du mal? Ces questions, dès que c'est répondu, vous allez les identifier. Qu'est-ce que j'ai du mal à me séparer dans ce monde-ci? Ces choses, ces questions, si vous vous poussez à savoir quelles sont ces choses autour de vous qui entretiennent. Parce que vous ne pouvez ne pas être au courant que voici la chose, voici la chose, voici la chose. D'accord? Ok. Passer du temps de veille dans sa porte, dans sa lettre, c'est le deuxième point. D'accord? Maintenant, troisième point, c'est réunir ou rechercher les personnes qui ont les mêmes aspirations pour le cas du ciel. C'est ce que 2 Timothée 2, 22 dit. Donc, 2 Timothée chapitre 2, verset 22 dit ceci, frère bien-aimé. Fuis. C'est comme ça que ça commence. Fuis les passions. Vous avez entendu le mot, n'est-ce pas? Fuis les passions de la jeunesse. Donc, la jeunesse a des passions. Mais toi, fais quoi? Fuis. Mais c'est quand même terrible. Donc, un jeune garçon, les autres garçons se livrent à la joie de la terre. Tu es autrement. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, l'amour, la joie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut pour maintenir le cœur pur. Parce que tu ne vivras avec un cœur pur au milieu des gens contaminés, jamais. Quand il parle au milieu des gens contaminés, ça veut dire que si tu passes ton temps, maintenant suivez ça, vous connaissez cela. Proverbe chapitre 1, verset 1. Allons-y. Heureux l'homme qui ne s'assied pas. Mais qui trouve son plaisir. C'est de ça dont on a parlé. On lit cela, on récite. Qui trouve son plaisir dans la lecture de la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. C'est ça la veille à ses portes. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais on laisse hors de ces choses-là, on cherche à faire tout, que tout réussisse. Alors qu'on a donné la solution. Donc c'est de ça dont il est question. Troisième point. Se réunir pour chercher la personne. Les personnes qui ont les mêmes aspirations. Se réunir, voilà. Les personnes qui ont les mêmes aspirations, c'est-à-dire l'aspiration du ciel. L'aspiration du ciel. Pour que ce que tu n'as pas, que la personne te donne, ce qu'elle a déjà, tu puisses posséder, pour que vous vous entretenez. C'est ce que la Bible parle de exhorter vous les uns les autres aussi longtemps que vous entendez encore là, aujourd'hui. Vous saisissez, n'est-ce pas? Notez à côté de ce verset 3-ci, psaume 1, Josué 1, psaume 1. Josué 1, 8 et 2 Timothée 2, 22. Donc vous voyez que, en résumé, si je ne voulais pas prêcher, que je voulais résumer, répondre à cette question-ci. En un seul mot, ou en un seul verset, comment garder le cœur, avoir le cœur pur et la garder, c'est fuir les passions et rechercher la joie, la justice avec ceux qui avaient le Seigneur d'un cœur pur. Donc, quitte les passions des âmes et identifier ceux qui ont déjà trouvé, rester avec eux. C'est ça. Vous suivez ça, frère? Bonne soirée. Que le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliés. Donc, dans la deuxième partie de ceci, on va développer, entrer encore dans les profondeurs. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois. Amen. Adorons.